biopic de Barack Obama. Demain à 20h55 sur Arte et à revoir sur Arte Plus 7. Arte, ouverture permanente. Roméo et Juliette, l'histoire de deux adolescents qui s'aiment à mourir. Un drame sublime que Berlioz mettra en musique. Roméo et Juliette, le 7 octobre à 20h. Rendez-vous avec l'amour grâce à l'Orchestre Philharmonique et au chœur de Radio France, dirigé par Yuka Pekka Saraste. Réservation maisondelaradio.fr. Le 7 octobre, l'amour est à l'auditorium de la Maison de la Radio. Bonjour Nagui, je suis très en retard, je mérite d'être puni. Quel est le programme de la bande originale? Philippe Cobert, bonne journée, merci. Au revoir. Bonne émission, au revoir. Il est 11h sur France Inter. Les informations, Laetitia Gaillet. La théorie du genre enseignée dans l'école française, les mots du pape ce week-end et la réaction ce matin de Najat Vallaud-Belkacem. Sur France Inter, la ministre de l'Éducation nationale a dit regretter la parole pour le moins, je cite, légère et infondée du pape François. Lui aussi, dit-elle, a été victime d'une campagne de désinformation massive conduite par les intégristes. Je conseille au pape, lors de l'un de ses prochains déplacements en France, de venir à la rencontre des enseignants de l'école française et de feuilleter lui-même les manuels scolaires. Il n'existe pas de théorie du genre dans ses livres. Dans les programmes français, on parle plutôt de l'égalité des sexes, de lutte contre le sexisme, la violence faite aux femmes et le harcèlement. Ce en quoi Nathalie Kosciusko-Morizet, candidate elle à la primaire des Républicains, rejoint la ministre de l'Éducation. Le pape, dit-elle, est allé un peu trop vite en besogne. J'ai deux garçons de 11 et 7 ans et je n'ai jamais rien retrouvé qui ressemble à la théorie du genre dans leur manuel. Le montant du vol est estimé à plusieurs millions d'euros. Ce sont des bijoux. Ceux qui ont frappé savaient qui ils volaient et visiblement ce qu'ils venaient chercher. La star américaine de télé-réalité Kim Kardashian a été victime cette nuit d'une attaque à main armée. Les voleurs se sont fait passer pour des policiers pour pouvoir pénétrer chez elle. Car le vol s'est passé dans une résidence de luxe dans le 8e arrondissement de Paris. Kim Kardashian était en effet dans la capitale pour la Fashion Week. La jeune femme va bien. Elle a déjà quitté Paris après avoir été entendue par la police. Quand il a appris la nouvelle, son mari Kanye West, qui était en concert à New York, a immédiatement lancé à son public « Désolé les gars, le concert est fini, urgence familiale ». La semaine des Nobel commence aujourd'hui. Premier prix décerné en fin de matinée, celui de la médecine. Matthew devrait atteindre Haïti et la Jamaïque dans la journée. L'ouragan classé en catégorie 4 sur une échelle de 5 n'est plus qu'à quelques centaines de kilomètres des côtes. Ses vents soufflent à plus de 200 km/h. En Haïti, le pays le plus pauvre de la zone, près d'un millier de personnes ont été évacuées du sud du pays à titre préventif. Les côtes cubaines devraient, elles, être touchées à leur tour demain matin. Après le pangolin, interdit le commerce à Johannesburg, la CITES, la Convention internationale sur le commerce d'espèces sauvages menacées d'extinction, la CITES donc interdit aujourd'hui à la vente la Namibie et le Zimbabwe la vente de leur stock d'ivoire à l'international. Enfin, la planète foot au chevet de l'un de ses joueurs, l'ancien footballeur Rigobert Song, est depuis hier plongé dans le coma à la suite d'un accident vasculaire cérébral. Rigobert Song a joué à Metz, Lens ou encore Liverpool. Il a été le capitaine de l'équipe du Cameroun. Il est actuellement le sélectionneur de l'équipe nationale camerounaise. Vous écoutez France Inter, il est 11h03. Du lundi au jeudi soir sur France Inter. Very good trip, le voyage musical de France Inter. Mishka Assayas. Cette semaine, un programme autour du guitariste Jack White. L'homme qui, depuis la ville de Détroit, a, au début du nouveau siècle, ramené le blues au cœur du rock. Very good trip. À ce soir. Sur France Inter, à partir de 21h. You and I, we're gonna change this country and we will change the world. Barack Obama. Le premier président noir des États-Unis d'Amérique. Le président de tous les espoirs. L'homme le plus puissant du monde. Tout le monde veut sa place. Et sur Arte, vous ne l'aurez jamais vu d'aussi près. Les années Obama, une série documentaire en 4 épisodes. Avec une interview exclusive de Barack Obama. Demain à 20h55 sur Arte. Et à revoir sur Arte Plus 7. Arte, ouverture permanente. France Inter. On aime. On aime. On vous en parle. Nos formats festival, au Théâtre du Châtelet, les 21 et 22 octobre. Deux soirées exceptionnelles proposées par le Théâtre du Châtelet autour de nos formats. Avec Balaké Sissoko et Vincent Segal, Koki Nakano, Blik Bassi, Alani et l'ensemble Code, Chocolate Genius Incorporated et des invités surprises. Nos formats festival, les 21 et 22 octobre au Théâtre du Châtelet, à retrouver aussi dans le programme musical de France Inter. Alors comme ça allait beaucoup trop vite au passage d'antenne, du coup j'ai même pas retenu qui vous receviez et je sais même pas qui vous êtes. Mais je rêve. sur un autre ton, Laetitia. Mais je rêve. Comment ça va, Nagui ? Mais bien, Laetitia. Ah, ouais, ça va mieux. Ah, ça y est, vous l'avez remis. Ok. C'est horrible, d'accord. Ok. Bien bah, je vous laisse en vrai. On se dégoûte tous. Merci, Laetitia Gaillet. On vous retrouve tout à l'heure à midi. À tout à l'heure. Oui, c'est mon prénom. C'est le bon original, soyez les bienvenus avec Leïla Kadou Abou Dhabi, Noran Zaoui, Daniel Morin, Monsieur Tom Villa, bonjour, Richard Lamakito Clavier, notre invité Philippe Tobet. Tout le monde n'applaudit pas, votre femme n'applaudit pas par exemple, vous voyez. Ouais, c'est louche, c'est, Philippe. C'est louche. Elle applaudissait. Non, mais oui, là, elle applaudit. Elle a beaucoup applaudi, mais elle applaudit plus. C'est ça. Elle dort. Tout va bien, quoi. Voilà, voilà. C'est moderne. Ravi de vous retrouver en pleine forme, Philippe. Le programme est extrêmement chargé à l'Athénée, puisque vous allez vous y produire pour jouer en alternance le Bac 68, la danse du diable, l'asticot de Shakespeare. Mais ça, c'est pas moi qui le joue, mais bah, c'est moi qui l'ai mis en scène. Voilà, c'est ça. Oui. Vous y êtes pour quelque chose. Tout ça, ça sera à partir du 4 octobre prochain. C'est pas loin, finalement. C'est un peu demain. C'est un peu demain. Ça. C'est demain. C'est un peu demain. Un dodo et on y est, quoi. Carrément. Voilà. C'est Tom le festival Cobert, en fait, à l'Athénée Théâtre. On va en parler dans deux secondes, mais Tom, avez-vous bien compris pourquoi Philippe Cobert est là ? Évidemment que j'ai compris, Nagui, parce que c'est pas tous les jours qu'on peut avoir le père de Pagnol et Molière en même temps ici dans ce studio. Notre invité ce matin est comédien et marseillais. Ce n'est pas Jean-Claude Godin, c'est Philippe Cobert, mesdames et messieurs. Quelle horreur ! Alors pour bien résumer, j'ai pas mal des amis. Pour bien résumer, Philippe, votre spécialité, ce sont les pièces autobiographiques. Vous en avez écrit 11 de 3 heures chacune, soit 33 heures de spectacle pour le hymne du Festival d'Avignon. 33 heures, on appelle ça une première partie. Et sur scène, c'est votre vie. Hein, mais votre personnage s'appelle Ferdinand Fort. Voilà, c'est marrant d'avoir pris comme pseudo Ferdinand Fort. Parce que moi, je dois prendre un pseudo, je ne prends pas Ferdinand. Quoi. On dirait un nom de l'époque de l'ORTF. Le ministre des Postes et Télécommunications, Ferdinand Fort, vient de donner le coup d'envoi du 59e Tour de France en compagnie du ministre des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, Raymond Triboulet. Et de celle que l'on surnomme la rouquine aux doigts d'argent, l'accordéoniste Yvette Horner. Non, mais c'est impressionnant. C'est mon époque, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mais oui, mais je suis un survivant. Mais votre vrai prénom est plus moderne que celui que vous avez pris. Vous trouvez ça moderne, Philippe ? Non, c'est gentil. Non. Ferdinand, j'aime bien Ferdinand. Ça. Ça sonne le sud en même temps. Ça, c'était inspiré par Céline. Ouais. Oui. Ferdinand, la mort à crédit. Mais Céline voilà. Dion. Donc Ferdinand Fort. Putain, ils sont complètement incultes, ces jeunes. Ferdinand Fort, c'est votre alter ego, comme Bruce Wayne devient Batman, comme Clark Kent devient Superman, et un pervers priapique devient Strauss-Kahn. Non, vous venez, car vous reprenez La Danse du Diable et le Bac 68, qui sont tous deux deux pièces que vous aviez déjà jouées il y a quelques années. Et vous avez bien raison, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, demandez à Macron. Alors, il faut bien préciser, Bac 68, c'est sur votre vie de bachelier. Si, on peut y aller. C'est sur votre vie de bachelier, hein, pendant mai 68. Pour les plus jeunes, mai 68, c'est un peu la version réussie de Nuit Debout. Faut bien préciser, parce que comme ça, c'est vrai que Bac 68, on dirait le titre d'un film d'Olivier Marchal sur une brigade de flics ripoux à Strasbourg. Donc, sinon, c'est tout pourri. Donc, la danse du diable, vous racontez aussi votre jeunesse et vos rêves de théâtre. Mais surtout, ce sont des pièces sur votre amour pour le théâtre et le métier de comédien. Donc, du coup, sur l'amour du chômage et de l'intermittence. Et vous avez fait partie pendant des années de la troupe du Théâtre du Soleil, qui n'a rien à voir avec le Cirque du Soleil. Hein, au Théâtre du Soleil, pas de Chinois qui fait des saltos arrière sur une poutre à 15 mètres de hauteur, mais des Afghans qui jouent de la darbouka, donc rien à voir. La troupe du Soleil, c'est une troupe mythique dirigée par Ariane Nouchkine. Alors quand on lit vos pièces... C'est facile à dire, c'est pas évident. Non, surtout à 10h05. Non, c'est vrai, quand on lit vos pièces, on peut s'accorder à le dire, c'est un génie théâtral, mais un génie maléfique. Aussi, une génération de comédiens chez le psychanalyste. En fait, faire partie de la troupe du Soleil, ça devrait être reconnu comme une maladie professionnelle. Ariane Nouchkine, c'est la Shining des comédiens. À elle toute seule, tu bosses un an pour elle, tu fais 20 ans de psychanalyse, ou à la place, t'écris 11 pièces de 3 heures. N'empêche, c'est rentable, t'es en panne d'inspiration, va faire un stage chez Mnouchkine. On emmerde toujours de Cyril Hanouna, comme quoi il piétine ses chroniqueurs, mais Hanouna à côté de Mnouchkine, c'est oui, le grelot magique. Bref, je sais pas si j'ai tout compris, mais foncez voir Philippe Cobert sur scène, c'est l'un des derniers acteurs qui pousse encore de vrais coups de gueule, comme Depardieu, mais en moins bourré et en moins russe. Merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est que merci. C'est la sonnerie du portable de Daniel Morin. Ah, Daniel, un jingle qui devait partir. Parce que c'est Leïla qui m'appelle. La bande originale, Nagui, sur France Inter. Vous êtes d'accord, globalement, Philippe Cobert, avec ce que tout ce qui vient d'être dit. C'est parfaitement, c'est une vérité parfaite. Même quand il se moque de vous. Mais surtout quand il se moque de vous. Tout est juste, tout est bien vu. J'ai rien à dire. La danse du diable et le bac 68, donc vous reprenez. Si, une chose, justement, je vous coupe, pardon, parce que le bac 68 est une création. J'en ai joué une première version, la danse du diable est une reprise, mais le bac 68, j'en ai joué une première version il y a, en l'an 2000, c'est-à-dire ça fait un bail. 16 ans déjà. Mais par contre, j'en ai fait un nouveau spectacle que j'ai créé l'année dernière au Théâtre des Carmes et en tournée, mais c'est une création. D'accord, mais enfin, oui. sur les mêmes bases. Oui, puisque, mais c'est une création. Comme donc c'est Bac 68, saison 2. Comme l'a absolument. Dit. Absolument. Et qu'est-ce qui change alors? C'est le texte... vous avez modifié le texte Oui, j'ai complété l'histoire surtout, parce que... Donc la base est toujours la même. Vous dites que je raconte, mais c'est aussi... Je raconte, mais je joue. Je joue surtout. D'ailleurs, c'est pas ma vie que je joue, c'est ma jeunesse. Je n'ai toujours pas passé le cap des 30 ans dans mes spectacles. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est parce que vous n'avez pas encore 30 ans, c'est ça? Ben oui, dans ma tête, probablement. Mais c'est plus que ça, j'ai complété l'histoire, j'ai fait en sorte qu'un public qui connaissait rien, rentrant là-dedans, puisse tout comprendre. Donc ça m'a inspiré, et j'ai raconté l'histoire de mon grand-père dans les tranchées de la guerre de 14, et puis j'ai raconté mon grand-père aussi qui dirigeait des hôtels à Paris pendant l'occupation, donc qui s'est retrouvé du mauvais côté, etc., etc. Du coup, ça fait une sorte de petite chronique française entre 1914 et 1968. D'accord, mais il y a toujours le côté passe d'abord ton bac, il y a toujours la notion de ça sera l'oral et pas à l'écrit, il y a tout est oui, vrai. Il y a c'est Claudine, la Sibérie, mère... Il y a toujours la Sibérie. Hein c'était pas la Sibérie que... Oui, la Sibérie. Elle est là, c'est ça. Elle est à la Sibérie est le centre de la préoccupation de Ferdinand Fort devant son examinateur. C'est ça. Non, mais donc il y a quand même les fondamentaux même du bac. Il oublie à un moment donné, il sait plus c'est l'Australie, l'Italie, il dit le pays Henri. Vous savez, le pays Henri. Comment vous devinez mon prénom? Bon, c'est un peu... voilà. Donc c'est une façon, en fait, si on n'a pas vu la danse du diable, puisque les personnages sont récurrents, en fait, hein, ça, c'est lié. C'est une façon de pouvoir entrer dans le bac 68. Absolument. Même à l'origine, d'ailleurs, le projet de ce spectacle était encore plus terre à terre, je dirais, moins. C'était de faire un spectacle plus court. Parce que la danse du diable dure 3 heures, et qu'à mon âge, jouer à la danse du diable tous les jours, c'était vraiment plus qu'une performance, c'était vraiment un calvaire. Donc je me suis dit, pourquoi m'imposer un tel calvaire? C'est un défi à la science, surtout. Voilà, il faut que je fasse un spectacle plus court. Et j'ai eu cette idée de la deuxième partie d'un des épisodes L'homme qui danse. Je me suis dit, tiens, ça pourrait faire un spectacle qui d'ailleurs durait 1h30 au début, maintenant il dure 1h50, parce que quand même. Mais pour ça moi, vous démange. C'est un court métrage. Voilà. Ça vous démange. 1h50, c'est un court métrage. C'est un court métrage. Ça vous démange. Vous ne savez pas faire court ou. Et non. Tout ce que vous, parce que vous avez raison, vous n'êtes pas simplement en train de jouer sur scène, vous êtes acteur, ça c'est une évidence, ouais. Mais vous êtes danseur, vous êtes chanteur, vous ouais, êtes un peu éclopé, mais mime, oui, oui. Vous êtes mime aussi, il y a beaucoup de mime, vous êtes imitateur aussi, voilà, oui. il y a toutes ces de Johnny, il y a du général de Gaulle, de Malraux, bah oui, mais même de Gaulle chantant Johnny, c'est en même temps que les comédiens trouvent pour le boulot s'il prend tout, Philippe Robert. Non, parce que arriver. Justement, en même temps, moi il me semble qu'être comédien c'est être tout ça. Il me semble qu'être comédien, c'est pas juste de réciter des textes, quoi. C'est pas le cas de tout le monde. Ben, souvent, ils croient que c'est pas le cas pour eux, mais ils devraient essayer, ils verraient que dans tous les comédiens, il y a... Il y a un mime, il y a un chanteur, il y a des imitateurs. Oui, bien sûr. C'est pas juste fait pour... ou pour montrer sa figure dans les films, ou pour réciter des textes sur des scènes. C'est être comédien, enfin, ça c'est Ariane Mnouchkin qui me l'a fait découvrir, je le savais pas. Je savais plus ou moins, je m'en doutais. Mais c'est elle qui m'a fait comprendre qu'un comédien, il pouvait tout être. Imitateur, chanteur, danseur et plein d'autres choses. Et encore. J'ai envie de dire improvisateur. Je ne sais pas s'il y a un métier qui s'appelle improvisateur, mais à quel point le texte évolue et change. Alors, nous avions reçu d'ailleurs pour la danse du diable que l'on était allé applaudir, Leïla et moi. Je me souviens très bien de cette soirée folle que nous avons passée ensemble. Vous aviez fini à l'hippopotame. J'espérais d'un after, mais quand tu as 3 heures de spectacle, en fait, tu fais bon, demain. Enfin, tout à l'heure. Et puis, moi, j'ai pleuré en plus beaucoup. Il y a de quoi. Ah bah, j'ai merci. Beaucoup pleuré à la fin pas la sortie. De la danse du diable et voilà, il fallait que je rentre. Bon, non, non, non, c'est vrai que c'est chargé d'émotions. C'est très, très émouvant. Ouais, c'est très émouvant. Merci beaucoup. Dans les rapports personnels, intimes, dans votre enfance, dans le rôle de votre maman, aussi omniprésente, votre maman qui a été un déclic pour vous, pour quitter justement Ariane Mnouchkine et vous lancer seul, puisque c'est son décès qui vous a poussé à lui rendre hommage, finalement. Ça s'est pas passé comme ça. Vous résumez quelque chose qui est sûrement vrai. Non, ce qui m'a poussé à quitter Ariane, c'est beaucoup plus compliqué. D'ailleurs, c'était très douloureux et très difficile. Mais c'était pour... Je voulais écrire, mais je savais pas sur quoi. Je savais pas que c'était sur ma mère, etc. Non, parce qu'en fait, quand ma mère est morte, c'était pendant le tournage de Molière. Et je dirais que j'étais là... Par chance, d'ailleurs, quand elle est morte, j'étais chez moi dans le sud. Mais au fond, je l'ai zappé, quoi. J'ai rien éprouvé. J'ai eu une sorte de colère contre la mort, si je m'en rappelle. Mais j'ai pas pleuré. J'étais tellement dans ce tournage de Molière. Puis alors, c'est hallucinant parce que je me suis retrouvé le lendemain de sa mort à Versailles avec 500 figurants, toutes les cascades qui coulaient, etc. Je devais dire un texte. Je devais dire Sire, le roi, qui était joué par Pinchetin, Louis 14, enfin une espèce de machin gigantesque, et là, à 2h du matin, un trou total. De mémoire ? De mémoire. Vous, un trou absolu, de mémoire ? Un trou de mémoire absolu, un bug. Et ça a duré toute la nuit, avec 500 figurants derrière, le bug, toute la nuit. Et je disais à Ariane, je comprends pas ce qui m'arrive, elle me disait, si, moi je comprends, t'inquiète. Et finalement, on a été obligé d'annuler le tournage et j'ai tourné cette scène voilà, un jour j'ai compris pourquoi elle me disait ça. C'est parce que ma mère... Dans ma tête, ça avait fait une explosion. Il y avait un plomb qui avait sauté, voilà, légitimement. Exactement. Le texte que nous avons lu, l'avant-scène théâtre, le publie, ce texte qui... Enfin, je veux dire, les pages, j'ai jamais vu des pages aussi noires, aussi denses. Vous avez une mémoire incroyable, on en a parlé. Vous le changez, en plus, ce texte, C'est-à-dire, vous savez, ça bouge tout le temps. C'est un théâtre qui est fait à partir d'improvisation. Après, on fixe les improvisations. Mais quand on joue, disons que la peur des premières, etc., est passée, qu'on reprend confiance, enfin, tous les acteurs connaissent ça, vous connaissez ça, eh ben, on se remet à improviser. C'est pour ça que cette danse du diable qui durait 2h15 finit par durer 3h. Bon, malheureusement, mais en même temps, il faut bien qu'il y ait la place. Donc, j'improvise, et en effet, mais il y a un moment où j'ai envie de... C'est un état des lieux, le texte, mais il va encore bouger. Qui l'écrit, si ce n'est pas vous ? Ben, c'est moi. Ah, vous l'écrivez ? Mais bien sûr. Non, je pensais qu'il y avait des gens qui venaient assister à votre spectacle et qui... Ah, ils m'enregistrent, bien sûr. Ah, ils viennent, ils enregistrent. Il y a un scribe qui vient. Le spectacle est enregistré et Roger Goffinet, mon scribe, comme je l'appelle, et qui était mon régisseur pendant très longtemps, copie scrupuleusement ce qui se passe. Il m'envoie par mail tout ça. Et puis moi, sur mon ordi, je coupe, j'arrange, je fais en sorte. Et puis surtout, j'écris toutes les didascalies parce que j'ai envie qu'on puisse le lire en s'amusant autant qu'on... En comprenant ce qui se passe. En suivant le fil des choses. Donc, au début, je faisais pas de didascalie. Je dis si, je vais faire comme dans les pièces de Sacha Guitry, là, des didascalies très, très développées pour qu'on puisse vraiment Le didascalie, c'est le texte qui précise entre ce qui est joué et interprété, les indications de jeu, voilà, de scène. La danse du diable et le bac 68, pour vous, c'est une manière de faire du neuf ? Comment créer du nouveau ? Avec l'ancien, oui. C'est comme ça que j'ai appelé mon petit texte. C'est-à-dire, mon obsession n'est pas de faire du neuf du tout, parce que je suis pas tellement dans l'air du temps sur ce plan-là. Je vis dans le passé et je suis bien dans le passé et je ne peux vivre le présent, d'ailleurs comme dans le futur, parce que je vis aussi dans le futur. J'arrête pas de me dire qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qui va se passer. Mais je me souviens de cette phrase d'Ottomar Kreschka, metteur en scène avec qui je travaille, l'instant présent n'existe pas. Et je me dis, il a raison. Donc, si vous voulez, c'est de vivre que et je suis pas sûr que c'est toujours en voulant faire du futur qu'on vit le mieux. Et souvent, en revisitant son passé, en le faisant revivre, en l'incarnant, en se retrouvant enfant, adolescent, jeune homme ou jeune femme, eh bien, il me semble qu'on vit mieux le présent. Voilà, donc c'est un peu compliqué, mais j'essaie de répondre honnêtement à votre question. Le 4 octobre, donc à partir de demain, ça sera la première, c'est le bac 68. Oui, c'est la création. Et ensuite, le 11 octobre, arrive la danse du diable. À partir de la semaine suivante, c'est la danse du diable qui et se fera deux, donner deux fois par semaine. Et les deux vont se croiser ainsi jusqu'au 20 novembre. C'est au théâtre de l'Athénée à Paris. On a le plaisir d'avoir Philippe Cobert comme invité. Et mais quand on vous a dit qu'il venait dans cette émission, ma chère Laïla, vos oreilles ont sifflé. Et oui, et immédiatement, Philippe Cobert, un peu comme Tom vous en a déjà parlé, j'ai entendu une voix et aussi, surtout, une réflexion. Écoutons-la. Elle, on, ne l'écoutons pas. On ne l'écoute pas. Elle n'arrive pas. Eh bien, c'était... Tu veux qu'on écoute du Johnny Hallyday? Alors... Marché noir. Marché noir. Il n'y a plus d'espoir. Très vous imitez vachement bien. Hein. Ouais, est... pas les espoirs, c'est 18. Non, mais il est très présent, Johnny, sur scène. Oui, oui. Pour vous, toujours. Ah, il est très présent. Et pour la première fois de ma vie, je l'ai rencontré à Toulouse, dans sa loge. J'ai passé une demi-heure avec lui. J'ai cru que j'allais m'évanouir sur pied. Tellement vous êtes fan? Ah, bah oui, bien sûr. J'ai cru, mais j'étais comme une midinette. Bref, les circonstances ont fait qu'on m'a permis d'entrer dans sa loge. Et j'ai parlé avec lui pendant une demi-heure. Et tout ce qu'on dit sur lui est vrai. Il est beau, mais beau comme un dieu. Il est adorable, il est modeste, il est extrêmement intelligent sur son métier, et vraiment, j'ai pas été déçu du vrai. Je le supplie de venir voir mon spectacle. Voilà, il m'a juré qu'il viendrait, et tout le monde autour de moi m'a fait dire ça m'étonnerait, donc je le supplie de venir voir mon spectacle. Eh bien, on écoute un autre penseur, voilà, c'est... c'est parti. Je pense que l'histoire, le théâtre est fait pour raconter des histoires vraies. Je pense que quand un spectacle raconte une histoire vraie et importante, c'est pas seulement un témoignage, c'est aussi une action, c'est aussi une participation à l'histoire. C'est la vocation donc politique du théâtre, quelque part. Vous parliez tout à l'heure de votre rapport au passé pour le faire revivre, qui n'était pas forcément moins efficace que de se projeter dans l'avenir. Est-ce que pour vous, c'est une façon aussi de participer à l'histoire en racontant votre propre histoire, celle de vos... C'est Ariane Mouchkin, pardon. Oui. Voilà, oui. Pardon, excusez-moi. Je vous remercie d'avoir forcé Ariane Mouchkin à soutenir mes spectacles, car ça n'a pas toujours été le cas, et ça n'est pas vraiment toujours le cas. Bon, en même temps, je pense que... Je vais vous dire, je pense très prétentieusement que ce qu'elle dit là, elle l'a dit quand même, je suis sûr, sous l'influence de ce qui s'est passé avec mes spectacles. Comme je la connais bien, on se connaît bien, donc je suis content d'avoir fait un peu changer d'avis, mais ou de lui avoir inspiré cet avis. Mais pardon, quels sont vos rapports? C'est je t'aime, je te hais. C'est compliqué. Ça a l'air. C'est vraiment, oui, c'est compliqué. Là, je la vois, hein, je la vois. J'ai même fait un stage avec elle il y a 3 ans. Je suis allé la voir pour... quand j'ai terminé L'Homme qui danse, tous mes spectacles, je suis allé la voir. J'ai dit, maintenant, j'aimerais que tu me dises en face que tout le monde dit que tu dis derrière. Voilà, donc elle m'a injurié pendant un quart d'heure. J'ai répondu à ses injures par d'autres injures et on s'est tombé dans les bras. Voilà, je le dis sincèrement. Et je lui ai dit, j'aimerais bien regarder ton stage. Elle m'a dit oui, mais peut-être ils vont être... Alors, j'aimerais bien y participer. Et je suis arrivé avec mon sac à dos, mes croumires, le matin, avec tous les gamins autour de moi. Qui avait vu tous les spectacles, etc. Il me dit, qu'est-ce que vous faites là? Je dis, ben voilà, ouais, tu vois, j'ai tout raté, je reviens. Et j'ai fait ce stage qui était merveilleux pendant 3 semaines, c'était extraordinaire. Alors pardon, revenons à la question de... Oui, c'est ça. Est-ce que vous reconnaissez toujours dans ce théâtre-là du réel cette... Bien sûr. Je pense que... Non, je blague un peu. Je pense qu'elle a absolument raison. Je pense que la vérité, la réalité, la peinture de la vérité et de la réalité sont infiniment plus riches et fortes que ce que peut procurer l'imagination. Mmh. J'ai les découvert en travaillant. C'est-à-dire quand j'essayais d'inventer des choses, des monologues poétiques, etc., c'était quand même assez pauvre, c'était assez conventionnel, ça ressemblait à Ionesco ou à Rufus ou à machin, ou à De Vos. Et puis, quand j'ai commencé, par hasard, à jouer mes souvenirs, d'un seul coup, mon imagination s'est libérée, les situations sont arrivées, inattendues, riches, etc. Et ça, c'est... Voilà. Et c'est ce que je reproche beaucoup au théâtre d'aujourd'hui, c'est de pas assez représenter la vie. Mmh. On fuit dans l'abstraction, on fuit souvent dans la symbolique, on fuit dans l'esthétique, on fuit dans les thèmes. Et moi, je pense que rien n'est plus fort que de jouer sa propre vie, ce qu'on a vécu, etc. Et que ça demande souvent du courage. C'est pour ça que peut-être je me suis arrêté à l'âge de 30 ans, parce que s'il fallait que je raconte ce qui suivait, ça serait peut-être plus compliqué. Ça s'appelle encore jouer quand on interprète sa propre vie? Parce qu'un interprète, on admire un comédien quand il rentre dans la peau d'un autre personnage en disant il est. Bah, vous savez, je rentre dans la peau de tous les personnages quand je joue ma mère. C'est vrai, vous faites plusieurs personnages. Quand je joue même Ferdinand, c'est pas moi, c'est une version de moi. D'ailleurs, je me suis inspiré de Clémence pour faire Ferdinand. C'est, donc, si vous voulez, je. Clémence Massa. Oui. Si, on joue, mais on joue comme quand on était enfant. On joue pas comme les comédiens professionnels. On joue comme quand on était enfant et qu'on faisait l'andouille devant les autres. Et qu'on imitait le prof. Voilà, et qu'on imitait le prof, etc. Ouais, voilà. Et moi, je pense que c'est ça, jouer, faire du théâtre. C'est être un enfant ou un éternel enfant, un éternel adolescent. Et souvent que... Alors après, ça dépend. Il y a les grands acteurs, etc. Et les, comme qui et... Eh bien, écoutez, je vais vous répondre comme les acteurs de la Comédie Française. Parce que j'ai vu les damnés cet été à Avignon. Ah ouais, et là, je peux vous dire, pourtant, j'aime pas le théâtre contemporain, j'aime pas les metteurs en scène. Mais là, j'ai pris la claque, comme on dit. Et j'ai été émerveillé par ce que j'ai vu, entendu. Et tous, pas tous les cités, mais Podalides, Elsa Le Poivre, Jennifer Becker, tous, c'est absolument Guillaume Gallienne, tous, extraordinaire. Ça, c'est les grands acteurs. C'est en ce moment la Comédie Française, d'ailleurs, il faut y aller. C'est en ce moment la Comédie Française, donc ça peut être une recommandation culturelle. Je pense que quand ils auront ce commentaire de Philippe Cobert sur leur jeu, ils vont être ravis de vous entendre. Je ne sais pas, mais je pense qu'en effet, depuis quelques années... Évidemment, vous savez que vous êtes une référence pour tous les comédiens. Sans doute, peut-être grâce au recrutement de Muriel Mayette et à la direction des recrues, mais je trouve que la Comédie... Je sais que je me suis moqué d'eux, machin. Je trouve que la Comédie Française est vraiment devenue une des premières troupes du monde. Quoi. C'est un niveau de jeu... Ça vous plairait d'y entrer ? Pardon ? Ça vous plairait d'y entrer ? Oh, ça, c'est une autre histoire. En stage. Voilà, faire un stage. Et alors, quand je pense à vous, également, Philippe Cobert, j'entends la voix d'un autre monstre sacré. Un monstre sacré qui, selon vous, n'a pas eu la reconnaissance qu'il méritait. Je suis la passion des gens un peu vulgaires, vous voyez. Mais je suis plus fin que ça, voyez-vous. Parce que, quand même, j'ai une formation classique. Je suis resté 7 ans à la Comédie Française, 2 ou 3 ans au TNP. J'ai joué avec des grands textes. C'est la voix de... Michel Galabru. Voilà. Je ne la reconnaissais pas, il est tout jeune. Oui, c'est un vieux son. Vous avez joué Jules et Marcel sur la correspondance de Rému et Pagnol avec lui. Est-ce que vous lui avez rendu un hommage lors de ses obsèques en disant, voilà, je ne comprends pas pourquoi un Galabru n'a jamais joué à la Colline, où vous avez cité tout un tas de lieux comme ça qui représentent le théâtre subventionné et un milieu, selon vous, bien pensant. Est-ce que c'est encore un regret qui vous anime quand j'ai vous dit pire, j'ai dit pire, et je me suis senti obligé de le dire, c'est que Michel rêvait de revenir à la cour d'honneur du Palais des Papes, il a fait partie de l'aventure de Villars, et que je l'avais écrit au directeur et directrice de l'époque du Festival d'Avignon, et je leur ai dit, voilà, pourquoi pas une nuit, ça dure 1h20, on joue Jules et Marcel, ça fera tellement plaisir au public provençal qui compose quand même les 3/4 du public du Festival d'Avignon, et surtout, ça fera plaisir à Galabru, et je pense que c'est un acteur qui mérite un tel hommage, et j'aurais même proposé une nuit, 1h, minuit, 1h du matin, vos horaires, là. Et j'ai jamais eu de réponse. Et ça m'a... C'est pas eux personnellement que j'attaque, c'est l'idéologie. C'est-à-dire l'idéologie du théâtre contemporain qui en effet est sectaire et d'une certaine manière c'est leur précaré, leur champ, ils veulent... Et que c'est très très dommage que le théâtre qui est né de Jean Villars ne comprenne pas que Jean Villars il a fait sa gloire grâce aux grands comédiens, pas parce que c'était un metteur en scène. Et vous avez la sensation, vous, de souffrir du même mal? Vous savez, je pense que si je me retrouve tout seul sur la scène, c'est pas non plus un hasard. Mm-hmm. C'est pas seulement parce que je suis fou, taré, je suis fou, taré, tout ce qu'on veut, bien sûr. Je suis pas du tout normal. Mais je pense que ça vient aussi d'une situation. C'est qu'en effet, je me suis rendu compte que si je voulais donner toute ma mesure, sortir tout ce qu'il y avait en moi, ce serait jamais avec les metteurs en scène que j'y arriverais. Et qu'il a fallu que je me retrouve tout seul sur la scène. C'était pas du tout mon projet. Mon projet, c'était de jouer les grands rôles, d'être un acteur comme ceux de la Comédie Française. Mais les choses ont fait que pour faire ça, pour arriver à faire la même chose, il a fallu que je sois seul sur scène et mon seul patron. Philippe Cobert est notre invité. Le Bac 68, ça commencera à partir de demain au théâtre de l'Atelier. De l'Athénée, pardon, au théâtre de l'Athénée. L'Athénée. Et la danse du diable se rentrera dans la danse, justement, en alternance à partir du 11 octobre. Les deux spectacles seront en alternance jusqu'au 20 novembre. Il est aujourd'hui notre invité. L'humeur de Nora Mzaoui. Je te sens de bonne humeur, Nora. Oui, je suis de très bonne humeur. Ça se voit. Ouais, merci. T'as la peau reposée. C'est vrai, j'ai je me suis fait un petit masque à l'argile rouge, en fait. Écoutez, voilà, si vous voulez vraiment tout savoir. Ça marche. Merci. Le monologue de la mère qui s'étale sur 8 pages m'a fait beaucoup rire et m'a aussi un peu angoissée. Je dois le dire, ça m'a rappelé ma propre mère qui, à chaque fois qu'elle décide de me donner un conseil, finit par parler d'elle pendant des heures. C'est vraiment un truc de parent, ça, faire semblant d'avoir quelque chose à dire à ses enfants juste pour parler de soi. Moi, j'aurais pas fait comme ça. Ou moi, à mon époque, où, oh, mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour avoir une fille pareille? Tu sais, quand elle te pose cette question, son rêve, c'est que tu lui répondes, c'est vrai ça? Qu'est-ce que t'as bien pu faire? Allez, viens, on se remémore tous tes épisodes de ta vie depuis ta naissance et on en parle, pardon, tu en parles pendant 72 minutes. Bon, après, la période où j'étais au lycée était hyper compliquée entre ma mère et moi. On voyait pas les choses de la même façon, on n'avait pas les mêmes projets pour moi. En gros, elle, son projet, c'est que je passe mon bac, et moi, mon projet, c'était de rien branler. Forcément, ça rend les choses un peu compliquées dans l'entente au quotidien. Mais c'était pas de ma faute. Franchement, elle prenait des décisions, soi-disant, pour moi, pour mon bien, sauf qu'elles étaient complètement cons, ces décisions. Genre, tu vas faire allemand-latin pour être dans la meilleure classe. Résultat, j'étais dans la meilleure classe, sauf que j'étais la plus nulle. Super, merci le calcul. Je me souviens, je claquais des portes en gueulant, je fais ce que je veux, c'est ma vie. Je m'enfermais dans ma chambre, je lisais Les Fleurs du Mal en écoutant Doc Eddie Fool jusqu'à pas d'heure. Je m'en rappelle encore. Le mélange des deux, Fleur du Mal et Doc Eddie Fool. Ouais. Il y avait toujours cet auditeur qui racontait comment il était resté bloqué dans sa meuf. Ça me faisait tellement flipper, mais genre vachement plus que le bac. Et aujourd'hui, je me dis que c'est vraiment ça, l'adolescence, le mélange des genres, pouvoir chialer sur du Baudelaire tout en écoutant attentivement une histoire de bite bloquée, c'est assez magique. Et puis, je me souviens, plus je claquais... On a bien entendu, hein. J'avais un doute au début, mais j'ai bien entendu. Et plus je claquais les portes, et plus ma mère criait « Tant que tu vivras sous mon toit !» Je crois que j'ai jamais entendu la fin de cette phrase. À chaque fois, c'était « Tant que tu vivras sous mon toit !» et paf, la porte. On a quand même réussi à trouver un compromis autour de mes résultats médiocres. 10 sur 20, pile dans chaque matière et tout le monde est content. Enfin, surtout moi. Ma mère, elle aurait préféré que j'ai les encouragements ou le tableau d'honneur. Mais moi, j'étais là. Ouais, et s'emballer un mars aussi. Enfin, non, mais moi, j'aurais été ma mère à l'époque. Je me serais foutu des claques. Pas pour les mauvais résultats en cours, hein, non, juste pour employer l'expression s'emballer un mars. Non, mais qui dit ça? Sauf que ma mère, comme beaucoup de parents, n'a jamais compris les expressions. Alors, me répondait juste arrête d'être impertinente. Tu sais très bien que je déteste le chocolat. Et en plus, c'est moi qui te donne ton argent de poche. Donc, aucun rapport. En gros, moi, pour vous expliquer mon profil d'élève, je passais plus de temps à travailler mes antisèches qu'à travailler les cours en eux-mêmes. Et en même temps, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire rentrer 3 pages de cours d'histoire dans une règle de 30 cm. J'ai eu peur. Franchement, j'ai eu peur. Il faut du mérite. C'est pas du tout à la portée de tout le monde. J'ai eu peur. Mais peur de quoi? Mais j'ai eu peur de l'endroit où tu mettais des antisèches. Non. Bah si. Non, en plus, j'avais pas... t'écoutais Doc Eddie Fool, donc peut-être que t'avais des idées d'antisèches. Non, pas du tout. D'accord. En plus, j'avais pas d'autres... Il y avait les maths, c'était déjà pris. Allez. En plus, j'avais pas d'autre choix que de chercher des moyens efficaces d'apprendre, enfin de tricher, mais bon, c'est pareil. Je m'endormais pendant les cours, donc pour moi, il y avait presque double de boulot. Pardon, mais c'est pas en apprenant à des élèves à se servir d'un fer à souder que tu maintiens un ado de 15 ans éveillé en même temps. Entre deux siestes, mon truc, c'était d'utiliser toute mon énergie à trouver des solutions pour pas bosser. Je me souviens aussi un jour, une de mes copines m'a filé sa technique pour apprendre une leçon par cœur. Elle me dit, après avoir révisé, tu mets ton texte sous l'oreiller, tu dors et le lendemain, t'as tout dans la tête. J'avoue, j'étais un peu sceptique. Ça déteint, quoi. Mais bon, attends, bosser sur un cours, c'est toujours mieux qu'apprendre un cours. Au final, je me suis réveillée le lendemain, en effet, avec des feuilles froissées sur les joues et des traces d'encre au coin des lèvres. Et quelques semaines plus tard, un 7 sur 20. Mais bon, franchement, tous les autres, ils ont 8 et la meilleure note, c'est 13 et 7, c'est que 3 chiffres en dessous de 10. Ouais, c'est presque la moyenne. Oui, l'explication était nulle, mais bon, toujours moins nulle que je comprends pas, j'avais pourtant mis mon cours sous l'oreiller. C'est aussi pour ça. C'est ça le problème des parents qui te mettent la pression avec passe ton bac, passe ton bac, passe ton bac. C'est qu'au final, t'as l'impression que c'est un truc que tu fais pour eux et pas pour toi. Et comme eux, t'as pas envie de leur faire plaisir, bah. Du coup, le souci, c'est quand t'as un 2 en maths, tu te dis pas merde, je sais pas. Non, tu te dis juste, putain, ma mère, elle va me tuer. Je me souviens un jour, une conseillère d'orientation hyper sympa est venue nous rendre visite en cours et m'a proposé une voie à laquelle j'avais jamais pensé, garde forestier. j'étais hyper contente. Je rentre hyper contente, je parle de ça à ma mère tranquille et là, elle est devenue ouf, mais ouf. Elle dit, garde forestier, mais qu'est-ce que je vais dire à mes amis, mais garde forestier. Et à mon amie Martine, bon, la fille est en canne, je lui dirai quoi? Canne, hippocane, c'est formidable. Moi, ma fille est garde forestier, si un jour t'as besoin de reconnaître une branche ou un champignon, appelle-la. Je te vois bien, garde forestier. Moi aussi. Pas du tout. Mais pourquoi? Bon, j'ai fini par avoir mon bac, j'ai même eu une mention. Non, je crois que... c'est pas vrai, j'ai même pas mis ma chemise à carreaux. Je crois que c'est la première fois que ma mère et moi, on a eu envie de picoler en même temps. Bref. N'empêche que de repenser à tout ça et de me plonger dans votre pièce, ça m'a quand même bien travaillé. Le soir, je me suis endormie et j'ai rêvé que j'étais obligée de repasser le bac aujourd'hui. Je sais pas si vous avez déjà rêvé que vous repassiez le bac adulte, mais c'est une angoisse totale. C'est l'enfer. Oui, Philippe, vous avez déjà rêvé ça? Ah, mais c'est bien sûr, les deux angoisses, c'est passer le permis de repasser le permis de conduire et repasser le bac. Mais le bac, ça revient tout le temps. Donc moi, j'arrivais dans un lycée, je traversais le préau et là, tout au fond de la cour, je vois une classe avec écrit oral bac 2016-2017. Donc j'entre et je vois l'examinateur de dos qui m'attend et quand il se retourne, paf, c'est Nagui. Alors là, je me souviens dans le rêve, je me disais, ah, c'est chelou, il me semble pas que Nagui soit prof. Mais bon, comme dans la cour, j'avais aussi croisé une truie en train de manger du foin et que ça m'avait pas choqué, je me dis, bon, ça correspond. C'est un rêve, quoi. Mais dans le rêve, je me dis, c'est un rêve, mais en même temps, je suis dedans, tu vois. Bref, là, vous me faites tirer un papier, Nagui, et là, c'est le bac en 68. Donc moi, panique totale, je vous explique, je dis, je peux pas, j'ai fait un pass sur histoire géo et surtout, j'ai fait un pass sur tout. Et vous me dites, vous pouvez pas faire un pass sur tout. Je dis, si, j'ai fait un pass sur tout. Et là, vous me dites, ah, dommage, fallait apprendre sa leçon par cœur. C'est là que ma mère débarque à dos de truie, écrit, tu sais très bien que Nagui n'aime pas qu'on oublie les paroles, en faisant du foin, comme ça, partout dans la salle. Là, je me réveille en nage, un peu comme quand on rêve qu'on a pissé et qu'on est trop content de découvrir qu'en fait, on porte toujours sa culotte et qu'on est au sec. En gros, j'ai jamais été aussi heureuse d'avoir déjà passé mon bac. Merci. France Inter, Nagui, la bande originale. Brouille d'or avec sa culotte. Philippe. Mais alors ça, j'ai jamais compris les gens qui dormaient. Enfin bon, bref, c'est pas mon problème. Si, vas-y. Non, mais parce qu'ils disent c'est pour la circulation sanguine. Bah, dans ce cas, tu passes ta journée à poil. Enfin, tu vois, la circulation sanguine, comment tu peux dire qu'une culotte? Alors, c'est pas moi qui dis ça, tu arrêtes de m'engueuler. T'as vu ça? T'as vu la violence? Ouais. La violence. Non, c'est juste pour aérer, quoi. Donc, Philippe Cobert, notre invité. Ah oui, c'est vrai. 11h34 sur France Inter. Vous dormez tout nu, Philippe Cobert? Vous rigolez, moi j'ai un pyjama à rayures. C'est vrai? J'en ai même trouvé en Espagne, mais vraiment, comme il n'y a qu'en Espagne qu'on peut le trouver. Vraiment, le pyjama des années 50. Bah, le vrai pyjama avec les rayures, ouais, les poches, tout. Ah non, non, moi je dors en pyjama. Malgré même les protestations qu'il peut y avoir. Je les protestations. Le haut et le bas. Il y a des manifs. Pyjama. Ce n'est qu'un début. Absolument. Je garde mon pyjama et je me regarde sur dans le la pyjama glace à la plage. Pyjama et ça m'en rassure. C'est ça, dans le bac 68, ça commence toujours par ce n'est qu'un début. Le slogan. Ça finit oui, par ce n'est qu'un début dans le combat. Non, ça commence par la mère qui dit qu'est-ce que tu. J'ai tout entendu de ce que tu disais là, tout seul dans ta chambre. Non, non, ça finit par ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Combat, ouais. On va prendre quelques années comme ça et mettre en musique pour savoir aussi ce que vous écoutiez, vous, et pas forcément les bandes originales de ce qui se passait, mais la bande originale de votre vie, Philippe Cobert, en 1971. I can't get no satisfaction, les Rolling Stones, avec les instruments à gauche, à droite, en fonction de la manière dont ça a été enregistré en stéréo, mais c'était la stéréo. Panoramique. Ouais, mais c'était assez bizarre, mais même les Beatles aussi, il y avait des c'était moments foiré, d'accord. La voix n'était que d'un côté, la guitare de l'autre. Si t'avais mal branché dans la sono dans ta voiture... C'était que le karaoké. C'est ça, c'est très bizarre. Les Rolling Stones, vous avez grandi avec les Rolling Stones, bah, quand même, ouais, à cet âge-là. Non, moi, ah non, plutôt, c'est François Hardy, Johnny, etc., Sylvie Vartan, tout ça. Vous étiez amoureux de François Hardy ? Ah, ben, bah, les garçons et les filles de mon âge, c'est la chanson générationnelle. C'est pour ça, je disais tout à l'heure à la personne qui vient de s'asseoir avec nous, que j'aime pas quand François Hardy dit oui, cette chanson, elle était con et tout ça. Je trouve que c'est une chanson extraordinaire et qui préfigure 68. Alors, la personne en question, c'est Nuit Divine, parce que. Oui. On fait de la radio, donc c'est bien, vous dévoilez tout ce qui se passe. Non, mais je ne connaissais pas son nom et je ne savais pas comment. Divine je Bantini. Me souviens. Nuit Divine Bantini, merci. Avec laquelle nous allons parler des années 68, voilà. Dans quelques instants. Voilà. À l'époque, vous avez rejoint le théâtre du soleil. Moi, je voudrais savoir quelle est l'importance de la musique dans votre vie. Que ce soit là, aujourd'hui, par exemple, chez vous, le matin, est-ce que vous écoutez les infos ou est-ce que vous écoutez de la musique? La musique. Au réveil. Et je vais même vous dire, j'écoute France Musique. C'est pas pour faire de la pub, mais j'écoute la musique tout le temps. J'écoute tout le temps la musique, mais de la musique, ce qu'on appelle la musique classique. Moi, ça me fait sourire, c'est la musique, mais c'est plutôt la musique classique, oui, que j'écoute. Si j'écoute des chansons, si j'écoute, je peux pas faire autre chose. J'écoute. Alors que la musique classique, je peux lire en même temps, je peux écouter la musique, voilà, je peux pas écrire, mais je peux faire beaucoup de choses en même temps. Ce qui a été fondamental pour moi, c'est Ariane, parce qu'elle m'a fait découvrir la musique classique, justement Verdi, etc. Et Clémence, ma femme de l'époque du Théâtre du Soleil et de plusieurs époques ensuite, Clémence, celle qui joue, qui m'a vraiment fait découvrir. Jongleuse, c'est ça à la base. Qui est tout acrobate, jongleuse, ouais. Mais musicienne, qui est très très musicienne, et qui, quand elle était petite, chantait dans les chorales en Allemagne, et chantait Bach, etc. Et donc elle m'a fait découvrir la Passion sans Saint-Mathieu, toutes ces musiques que j'ai mises dans mes spectacles ensuite. Alors, qui vous a fait découvrir en 1980? En pénétrant dans la ville. ville morte, je tenais Margot par la main. Un éternel petit matin nous apportait sa lumière morte. Nous allions de ruine en pétrin dans les rues, de porte en porte. Ceux qui avaient été des portes s'ouvraient sur d'étranges confins. Je tenais ma femme par la main dans les rues, de porte en porte. La ville morte, Monique Zaz. Morelli. Ouais. Non. Et Pierre Macorlan. C'est très ouais. beau. C'est extraordinaire. Je l'ai découvert tout seul en écoutant D'accord. la radio. Et j'ai, comme quelques années après, j'ai fait un spectacle sur Aragon. J'avais aussi la fiche rouge. Et voilà. Et c'est découvert les chanteuses réalistes. Du coup, toutes les Damia. J'ai une passion pour ces chanteuses, comme pour les chanteuses de jazz. Je trouve que ça se ressemble. Et voilà. Et même Monique Morelli, pour moi, c'est la reine un peu. On chope des trucs hein, sur Skyrock hein, de temps en temps. Et la fiche rouge, c'est ça. Vous n'avez réclamé voilà, la gloire ni les larmes. Ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà que cela passe vite, 11 ans. Vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. T'as vous remu, hein, d'entendre même le chante presque mieux que Léo Ferré, oui, je trouve. C'est... Ouais, ça me remue. En 1980, c'est l'année donc où vous écoutez, vous découvrez peut-être Monique Morelli, mais surtout c'est l'année où vous avez joué dans La Femme Flic d'Yves Boisset et vous avez découvert la popularité. C'est-à-dire vous avez Absolument. Beau rester des heures en scène, être au Théâtre du Soleil, oui. Votre boucher dit ah mais c'est vous qui êtes dans le film d'Yves Boisset. C'est pas mon boucher, c'était au bar à Béraud. Je l'invitais avec Clémence, on habitait à Béraud et il y avait Abbey Road, c'est le Béraud, la station de métro Béraud. Non, la station de métro Béraud et là il y avait un bar, le Béraud, et il y avait un garçon de café qui était un cinéphile mais pas les cinéphiles genre cahier du cinéma, un cinéphile populaire ouais. Vous voyez qui aime tous les films qui sortent et je venais de tourner Molière quand même, Molière était sur tous les écrans et je lui dis t'as vu, j'ai dit ah ouais d'accord mais alors La Femme Flic, ça, c'est très fort. Et je jouais un petit rôle dans La Femme Flic avec curé. Donc voilà. Que ce soit Molière ou La Gloire de mon père, ce que les gens retenaient. Non, La Femme Flic. La Femme Flic. Oh, ouais. La Gloire de mon père, ouais, quand même. Moi, je pleure encore à chaque fois. À chaque fois, je pleure. Mais je n'arrête pas de vous faire pleurer. Mais ouais. Mais c'est bon signe. C'est une bonne ouverture, ça. C'est bien. Philippe, vous êtes à l'antenne. En 1993. Wanneer de Noordzee. Op het breekt een hoog duin, een witte vlokken schuin. Uiteenslaat op een kruin. C'est vrai que Vianney en flamand, c'est pas dégueu. Vous avez voulu écouter Le Plat Pays par Jacques Brel, mais en flamand. Oui, parce que dans le coffret Jacques Brel, j'ai découvert ça, je connaissais pas, j'ai découvert Le Plat Pays en flamand et j'ai trouvé ça extraordinaire, ce rock-click-trog. Et je l'ai mis dans une de mes pièces et j'ai joué un des personnages de mon histoire, du roman d'un acteur, Armand Delbar, qui était un vrai belge, et qui se coupait la jambe parce qu'il avait des problèmes de jambe, sur Le Plat Pays en flamand. Voilà, et je trouve ça magnifique. Nous allons évoquer donc avec Ludivine Bantini. Merci Ludivine de venir à ce micro que je vais redresser. Merci voilà. à vous. Merci voilà. beaucoup. Ludivine, vous êtes maître de conférence à l'Université de Rouen, chercheuse au Centre d'histoire de Sciences Po Paris. Vos recherches portent sur l'histoire des générations, des engagements politiques, de la conscience historique au XXe siècle. Il va y avoir un ouvrage à Paris qui s'appelle Le Grand Soir en petit matin. Et ce sont les événements de 68 sur lesquels vous êtes penché. Et à propos du bac 68 de Philippe Cobert, je voudrais que nous parlions un tout petit peu de ce que j'ai ressenti avec son spectacle et de savoir à quel point on est proche de la réalité, c'est-à-dire que tout est parti en vrille en 68, pas d'écrit, mais des oraux. Et à l'époque, moi, on me disait d'ailleurs, on l'a donné le bac 68, hein, c'était pas un vrai bac, parce que moi, je fais partie d'une génération, on est arrivé quelques temps après, on m'a dit non, vous, ça va être plus costaud en 68, on l'a donné. C'était vrai, ça, on le distribuait pour pas poser de. Bah, c'est-à-dire que ça correspondait aussi à un moment où, de toute façon, les étudiants, mais il faudrait parler pas uniquement des étudiants, je pense, mais les étudiants avaient, dans l'événement, conçu un tel esprit critique, une telle intelligence créatrice et collective qu'on pouvait bien accorder aborder le bac un peu plus facilement parce que je pense que l'événement les avait rendus encore plus intelligents. On a le taux de réussite de mai 68 ou pas ? Enfin, du bac 68. On a le taux de réussite ? Oui, c'est dans les 85%, un peu plus, même 90%. Non, ça c'est Omar Bongo au premier tour. je ferai remarquer quand même que le taux de réussite au bac aujourd'hui, il est à peu près sur 68. C'est-à-dire, depuis 68, c'est devenu une tradition. Il y a 80% de réussite quand même. Maintenant, on le donne. À peu près. Il y avait beaucoup moins d'élèves qui le passaient à l'époque. Hein. C'était 10-12% d'une classe d'âge. Donc il n'avait pas la même, le bac ne représentait pas la même chose à l'époque ? Ça concernait, encore une fois, une petite fraction de la jeunesse. Hein. Donc, c'est ce qui est très intéressant, justement, en 68, c'est que ces élèves, futurs étudiants qui sont issus de milieux plutôt favorisés, plutôt bourgeois, vont rencontrer, mais vraiment souhaiter rencontrer, travailler avec des salariés, des ouvriers. Et ça, enfin, je pense qu'on a l'habitude de ricaner un peu sur 68, mais il y a de très belles rencontres, il y a de très beaux projets. L'université de Vincennes, par exemple. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais dans la pièce de Philippe Cobert, le bac 68, il est question de devenir poète. Mmh. Mais je pense que c'est assez... voilà, Ferdinand veut devenir poète, mais il y a une poésie de 1968, je trouve. Il y a vraiment une créativité des événements et pas uniquement du côté des poètes professionnels. Tout à l'heure, Tom Villa a dit que mai 68, c'était un nuit debout qui avait réussi. et comment vous résumeriez-vous 68 ? D'abord, est-ce qu'il y a un slogan ? Est-ce que c'est simplement... Non, mais alors justement, la plage, le problème, c'est justement cette pensée par slogan, en quelque sorte, qui a un peu trop réduit, rabougri 68. C'est-à-dire que, quand on voit désormais 68 à partir de ses conséquences supposées et qui, la plupart du temps, n'ont rien à voir. Par exemple, on dit, ah oui, 68, c'est la naissance de l'individualisme, de l'égoïsme, du narcissisme, du néolibéralisme. Enfin, d'ailleurs, intéressant que tout ce cortège de mots à suffixe assez figé, là, c'est isme, n'est absolument rien à voir avec l'événement. Parce alors que c'est quoi 68 c'est le contraire. Hein alors c'est disons, quoi 68, c'est le refus justement du repli sur l'individu. C'est le refus des places qui sont imposées, qui sont assignées dans un certain ordre social et politique. C'est-à-dire que désormais, même pour un printemps, mais c'est profond, on va remettre en cause ces places-là, cet ordre hiérarchique et prédéterminé qu'on voit désormais comme des cages, des carcans. Donc c'est l'idée de sortir de ces cases et de ces cages pour inventer le monde autrement. Et c'est vrai que moi, je serais moins ironique sur Nuit Debout. Moi, j'y ai trouvé des moments de grande exaltation, mais aussi de grand sérieux politique. Mais beaucoup de merguez, quand même. Hein. Avec beaucoup des merguez, oui, assez pimenté, en effet. Mais il y avait du piment dans Nuit Debout. Et ce qui était frappant, justement, dans Nuit Debout, c'est qu'il y avait une sorte d'avidité à parler d'histoire. Comme en 68, d'ailleurs, il y avait... C'est intéressant dans la pièce de Philippe Cobert, parce qu'on joue sur les temporalités. À un moment, il y a une réplique très drôle à propos de la femme de ménage. Oui. La mère de Ferdinand lui dit « Ah là là, mais vous savez tout, mais dommage qu'on soit seulement dans les années 60, parce que là, on vous appellera moteur de recherche, quoi. » Et justement, 68, c'est aussi un mélange de temporalités, c'est-à-dire qu'on dit aussi, il y a cette légende selon laquelle 68 aurait donné lieu au présentisme. Voilà, parce que, justement, le slogan « tout de suite ». Bon, déjà, ce n'est pas un slogan véritablement de 68, mais il y a des projets d'avenir et aussi on parle beaucoup du passé en 68. Non pas pour en faire des références un peu figées, mais pour le faire vraiment vivre. Mais on s'est un beaucoup passé moqué présent. Des 68ards avec les valeurs que vous évoquez comme étant les espèces de nouveaux riches bobos qui sont arrivés ensuite et qui ont finalement fait un tout petit peu, ça vous énerve, non, ça. Oh bah, non, mais moi, bah oui, mais je trouve que c'est insupportable. Et ça doit être encore plus insupportable. On n'est pas loin de la réalité, quand même. Pas du tout, parce qu'en fait, il y a des gens installés. Moi, j'aime pas le mot 68ard, parce que déjà, il a justement un suffixe un peu péjoratif, mais c'est pas l'essentiel. En fait, on veut figer, on veut homogénéiser une génération. J'aime pas isme et art, parce que je trouve que ça pétrifie un peu un événement qui était plutôt joyeux, plutôt vivant, et pas seulement joyeux. Et qui concernait beaucoup de gens, pas en France. Qui concernait beaucoup de gens, mais bien sûr. Alors moi, j'ai parcouru la France, des archives, des sources, un peu partout. Et voilà, de la Vendée à la Creuse, aux Ardennes et à Paris, bien évidemment, il se passe des choses. Les gens sont... Il n'y a pas de... Oh, non, il ne se passe rien dans la Creuse, arrêtez. Ah, fascinant. Et attention, parce que les habitants de Guéret vous écoutent. En proportion, c'est ça qui m'intéresse. Non, ils pas la radio à Guéret. On est qu'en 2016. Ça saurait. Non, mais en proportion, c'est ce qui me questionne toujours. Parce qu'il y a plein de gens qui, pour moi, avaient 18 ans, mes parents par exemple, et ils n'ont rien fait parce que leur préoccupation, c'était d'aller bosser pour manger et que c'était pour eux, pas des problèmes de riches, mais c'était des préoccupations dont ils n'avaient pas les moyens nécessairement. Non, non, parce qu'on oublie trop souvent, il y a environ 10 millions de personnes qui participent d'une manière ou d'une autre au mouvement dans un temps suspendu. C'est ça qui est intéressant, c'est que le temps est en suspens. Pourquoi ? Parce qu'il y a une grève, il ne faut pas l'oublier. C'est vrai qu'on parle beaucoup des étudiants, etc., autour du bac 68, comment ne pas en parler. Mais il y a une grève généralisée donc, qui touche 10 millions de personnes. Et ce qui est assez fascinant, c'est que la grève, donc le temps qui s'arrête un moment et qui devient au sens strict extraordinaire, on sort de l'ordinaire, c'est vraiment ce qui fait l'étincelle de l'événement, eh bien ce temps, on peut le mettre à profit pour réfléchir, enfin, prendre son temps, justement, parler moins vite, voilà, par exemple. Et, vous êtes rendu compte. Justement, ralentir. Est-ce que ça serait encore possible aujourd'hui, mais réfléchir à son métier. Est-ce que ça serait encore possible aujourd'hui, ou est-ce qu'il est souhaitable de revivre une situation comme ça quand on a vu, notamment dans Nocturama, le film de Bonello, ce côté il faut que ça pète, ça va péter, tout va péter. Ce qui se passait un peu en 68, c'est-à-dire il faut que ça pète, tout va péter. Est-ce que c'est quelque chose qui est que vous ressentez ce besoin d'avoir de temps en temps une mini révolution, pas tout casser en permanence. Je pense qu'il faut espérer un temps différent. Il faut espérer revenir à des projets d'avenir, à des futurs imaginés, même à des utopies concrètes. Je sais que le mot utopie est dénigré, complètement discrédité. Sauf qu'à l'époque en 68, on se battait contre les individus pour la communauté. C'était complémentaire, c'est-à-dire que l'épanouissement de l'individu ne peut passer que par la générosité, que par le collectif, que par des décloisonnements sociaux. Qui est exactement plus l'inverse maintenant. À l'époque, on disait beaucoup « nous » et on voulait modifier notre société. Aujourd'hui, c'est le culte du « moi », du « je », c'est l'individu. Non, mais il y a eu le mouvement Nuit Debout, par exemple, qui était une forme de Nuit Debout. Nuit Debout, mais au-delà de Nuit Debout, il y a eu tout un... Mais Ludivine, chacun pense à ses fesses et chacun pense à sa peau. Non, mais il y a... Par exemple, on dit qu'il y a une dépolitisation, mais moi, je ne crois pas du tout. Je pense que le politique s'est vraiment déplacé. Et qu'il y a, mais discuter autour de vous, dans tous les quartiers... Non, discuter. Mais en tout cas... Quelque chose à faire, Nagui. C'est vrai que ça arrive. C'est un sacré boulot, déjà. C'est un temps plein. Hein. Mais, mais vous y croyez. Des idéaux, des engagements au quotidien, il y en a plein. C'est même assez fascinant. Et par exemple, pour revenir à Nuit Debout, et sans fétichiser outre mesure Nuit Debout, mais ce qui était fascinant, c'était de voir que toutes les générations, même s'il y avait beaucoup de jeunes, mais toutes les générations y étaient rassemblées, et avec une espèce de sédimentation d'expérience, c'est-à-dire que les gens parlaient d'expérience, avec des expériences de terrain, que ce soit dans le domaine de l'écologie, dans la réflexion sur le travail, dans la réflexion sur est-ce qu'on a vraiment besoin, par exemple, de la course au profit, des choses comme ça. Et donc, pour répondre à votre question, je pense en effet qu'il faut l'espérer, parce qu'on a un peu le sentiment que, de toute façon, le système est arrivé à bout de souffle. Voilà, et que de plus en plus, il y a une aspiration à un rêve général. Moi, j'aime bien envie de prendre des rêves, les choses au sérieux, voilà, de retrouver. Philippe Cobert, quand vous remettez au goût du jour le bac 68, est-ce que c'est... Alors évidemment, ce sont vos souvenirs et les clins d'œil que vous faites à tous les personnages qui étaient autour de vous dans ces années-là. Mais est-ce que vous souhaitez aussi le remettre au goût du jour, cet esprit de... Alors, je ne vais pas dire 68 heures. 68 heures. De rêve. Mai 68. C'est pas mon but, je pense pas à ça. Moi, j'essaie de revivre les choses. Je vous dis, je les raconte pas, en fait, je les joue. Et tout à l'heure, on me disait, est-ce que c'est jouer ça, jouer, ça veut dire les vivre. Je les revis. Donc c'est les remettre au goût. J'espère que ça sera remis au goût du jour. Ça veut dire que le spectacle aura du succès. Mais c'est tenter quand même de dire la vérité. C'est-à-dire, on dit des tas de choses sur ce que ça a été. Donc j'essaie de me remettre dans ma peau. Mais c'est aussi une manière de casser le système. Le mot est employé à tire-larigot maintenant, ça ne veut plus rien dire. Mais casser le système, il y en a marre du système, il y en a marre des politiques, il y en a marre des médias, il y en a marre de la société. Je ne partage pas du tout ce point de vue, moi. Alors là, la marre des politiques, d'abord, c'est très dangereux parce que c'est quand même les politiques, au bout du compte, qui a le dernier mot. Donc, c'est les pires qui surgissent et qui passent. Non, moi, je suis assez d'accord avec tout ce que dit Ludivine. Je pense qu'il y a eu un souci politique très, très, l'esprit 68 existe beaucoup plus qu'on le croit. Quand j'entends Sarkozy dire finissons-en avec l'esprit 68, ça me fait rigoler. Parce que lui, il est un produit d'une certaine façon étrange, mais de 68, dans sa vie personnelle, dans sa vie intime, tout ça n'a été possible que parce qu'il y a eu 68. Et on ne peut pas en finir avec 68, ça voudrait dire en finir avec la France, en finir avec l'esprit, justement, la curiosité politique. Et là, je pense que 68 est passé partout dans les mœurs, dans la culture, dans l'art, et dans le souci de la politique, tous ces fameux réseaux sociaux dont on parle pour le meilleur et pour le pire. C'est 68. C'est ça l'esprit 68. Moi, je pense que 68 est une vraie grande révolution. Le problème, c'est que c'est une révolution qui n'a pas fait de mort, il n'y a pas eu de massacre. Le problème Le problème. Il n'y a pas eu la semaine sanglante. Alors, on méprise 68. Voilà. Et je vous dis, le problème, c'est triste, d'une manière ironique et cynique. Parce qu'on respecte la Commune, parce qu'il y a eu la semaine sanglante, et on respecte pas 68 parce qu'il n'y a pas eu de mort. Eh bien, on devrait au contraire respecter encore plus une révolution qui a réussi à ne pas faire de mort. Et respecter ceux auxquels il n'y a pas eu, que ce soit dans un camp ou dans l'autre, pour lesquels il n'y a pas eu de mort, comme on respecte la révolution des œillets au Portugal. Voilà, c'est une grande révolution et qui n'a pas fait de mort. Chapeau. L'événement 68, on vous lira, Ludivine Bandini. Ça sera publié au Seuil de Grand Soir en Petit Matin. Merci, d'avoir apporté votre éclairage sur 68. Mais évidemment, cela, pardon, avec tout le respect que je dois à Ludivine, ne vaut pas l'éclairage de Daniel Morin. Est-ce que vous pensez qu'un nouveau 68 c'est est possible, Daniel? C'est dégueulasse, c'est une année d'études en 2 secondes. Quelle question magique! Ah là là, quelle question magnifique, une nouvelle fois. Question sensible, question philosophique, question politique. Bref, une question de milliardaire gauchiste. Ça ne m'étonne pas de vous. Non, la bonne question, la question de bon sens, la question de droite, quoi, c'est pourquoi faut-il à tout prix empêcher un nouveau mai 68 ? Monsieur Guy, je sais bien que c'est tentant de vouloir tout faire péter quand, comme vous, on a du personnel pour ranger le bordel provoqué. Sauf que là, on est loin de vos petites fiestas ou bourrées avec vos amis artistes drogués ou autres alcooliques du CAC 40. Vous cassez 3000 assiettes sur la terrasse de votre 1000 mètres carrés. Tout ça dans votre maison de 2 hectares en plein cœur de Paris. Non ! Là, on parle révolte musclée menaçante, on parle saccage de la voie publique, on parle insulte aux forces de l'ordre, on parle remise en cause de l'autorité politique. Bref, n'en déplaise à Ludivine, la 68arde hippie bobo. On parle de chianlit, Ludivine. Et croyez-moi, en période de crise, c'est bien la dernière chose dont on a besoin. On a besoin d'ordre, on a besoin de calme, on a besoin d'un retour aux valeurs autoritaires, mais salutaires. Il nous faut des gars calmes et engagés dans le combat, des mecs qui font rêver, des mecs comme François Fillon qui est loin des idées. Taisez-vous. On respecte François. François, loin des idéaux bolchevico, anarcho, vandalo, branleur, saura redorer le blason d'une France en décrépitude sans pour autant briser nos abris de bus, dépaver nos chaussées. On a besoin d'action résolument virulente, mais dans le calme. On a besoin de tout changer, mais dans la continuité. On a besoin de bouleversements immobiles. Qu'est-ce que je veux dire par là ? J'en sais rien ! Mais je sais que j'ai raison. Du coup, mon petit bonhomme, je suis au regret de vous le redire, mais encore une fois, vous avez dit... N'importe quoi ! La bande originale, Nagui, sur France Inter. Philippe Cobert est notre invité. Il sera dès demain à l'Athénée pour la danse du diable Bach 68. Je vais commencer toutes mes phrases par « Je n'oublierai jamais ». Vous les concluez comme vous l'entendez. Richard Larnac nous accompagne. « Je n'oublierai jamais que dans ma maison d'enfance, il y avait... » Ma sœur. « Je n'oublierai jamais mon professeur de... » Allemand en 6e. En bien ou en mal ? En étrange. Je n'oublierai jamais que mon papa ou ma maman me disait... Passe ton bac d'abord. C'est ce que vous dites dans le spectacle. Ouais, c'est ça. Avec la voix, vous pouvez le faire avec la voix, parce que moi j'adore quand vous faites la voix de votre mère sur scène. Je l'entends quand je lis votre texte maintenant. Petit garçon, passe ton bac. Passe ton bac, on verra plus tard. Allez, passe ton bac, et puis c'est tout ce que je veux savoir, tu passes ton bac. Je n'oublierai jamais le but que je me suis fixé dans la vie. Être heureux. Je n'oublierai jamais mon obsession pour... Le sexe. Eh, on a mis quoi, 57 minutes pour y arriver, hein. On n'avait pas évoqué le sujet. Incroyable. Oh, vous savez quoi, on va rester là-dessus. Ouais. C'est bien de rester sur le sexe. Philippe Cobert est notre invité jusqu'à midi. le vendredi soir sur France Inter. J'entends les gens qui s'installent. À partir de 21h. Ça s'appelle Full Sentimental. Le plein de chansons du vendredi. Didier Varro. Fusion live et sueur entre hip-hop, électro, funk et pop, le groupe General Electric, emmené par la voix de Hervé Salters, fait un détour par notre studio 105. Après un été où il s'est produit partout en festival, c'est un vrai cadeau pour notre Full Sentimental avant leur concert événement à l'Olympia le 29 novembre prochain. Pour assister à l'enregistrement de l'émission ce mercredi, réservez dès maintenant vos places sur maisondelaradio.fr. Je vais isoler mon grenier avec Isovert. Comme ça, je vais faire des économies sur ma facture de chauffage. Jusque-là, tout est garanti. Jusqu'à 30%. Aussi garanti. Et quand je dis 30%, c'est juste en isolant mon grenier. Encore garanti. Du coup, je vais pouvoir financer un film sur ma vie en 3D. Ah, ça, pas garanti. En 2D. N'insistez pas. En noir et blanc. Chut. Avec Isovert, l'isolation, c'est garanti. Le reste, on vous laisse l'imaginer. Isovert, l'isolation thermique et acoustique. Isovert est une marque de Saint-Gobain. Plus d'informations sur isovert.fr. Label Rouge. Mmh. Il faut que je vous dise, je suis Label Rougien. Tout va bien. C'est juste que j'adore les viandes Label Rouge. Être Label Rougien, c'est vouloir le meilleur. Cette côte de bœuf, par exemple. Ce persillé, cette tendreté, cette saveur, ça donne envie de goûter, non? En même temps, vous savez, il n'y a pas de secret. Les professionnels s'engagent à produire des viandes de première qualité et en plus, elles sont goûtées et préférées par les consommateurs, comme vous et moi. Vous aussi devenez Label Rougien. Mmh. Avec le concours de l'Union Européenne. Moi, c'est Marc. Et mon boulot, d'habitude, c'est d'aider les gens à identifier les travaux de rénovation qu'ils peuvent faire chez eux, les accompagner dans leur démarche et les informer sur les aides dont ils peuvent bénéficier. Alors si un jour on m'avait dit que j'allais faire de la radio... Quelle que soit votre situation, des aides de l'État existent pour rénover votre logement. Contactez un conseiller Rénovation Infoservice près de chez vous sur rénovationinfoservice.gouv.fr ou 0808 800 700. Service gratuit plus prix de l'appel. Et du 6 au 9 octobre, profitez aussi de la fête de l'énergie pour rencontrer un conseiller. Un service du ministère de l'Environnement et de l'Énergie et de l'ADEME. Il est pile midi sur Inter. Des informations, Laetitia Caillé. Il s'appelle Yoshinori Ozumi, il est japonais, c'est lui le nouveau prix Nobel de médecine. Ce biologiste est récompensé par l'Académie des Nobel pour ses recherches sur l'autophagie, des recherches essentielles pour comprendre le renouvellement des cellules et la réponse du corps à la faim et aux infections. Promis, vous en saurez plus tout à l'heure dans le journal de 13h de Bruno Duvic. Et d'ailleurs, on reste dans le domaine de la médecine, puisque toujours dans le journal de 13h, on parlera du début aujourd'hui de la 23e édition d'Octobre Rose. Il s'agit d'une campagne menée par l'association Le Cancer du Sein, parlons-en. Pendant un mois, des débats, des conférences, des activités auront lieu pour sensibiliser les femmes, notamment au dépistage. À ce propos, Bruno Duvic recevra tout à l'heure le toxicologue André Cicolella. La livre sterling est aujourd'hui à son plus bas niveau par rapport à l'euro depuis 3 ans. C'est sans doute la conséquence de l'annonce hier de la première ministre britannique Theresa May qui a donné l'échéance pour le Brexit. Elle invoquera l'article 50 du traité de Lisbonne avant la fin mars. Le Brexit provoquera des turbulences durant les négociations avec l'Union européenne, a expliqué ce matin pour sa part Philippe Hammond, le ministre des Finances britannique. François Hollande apporte son soutien aujourd'hui à Juan Manuel Santos pour, je cite, son courage politique. Le président colombien a subi un revers lors du référendum hier. Les Colombiens ont rejeté l'accord de paix qu'il avait signé avec la guérilla des FARC. Retour en France, c'était il y a tout juste un an, le 3 octobre 2015. Les intempéries dans les Alpes-Maritimes et les inondations meurtrières qui ont suivi. 20 personnes sont mortes et on estime les dégâts à 605 millions d'euros. C'est à Cannes et à Mandelieu-la-Napoule qu'ils ont été ces dégâts les plus importants. David Di Giacomo est retourné sur les lieux à Mandelieu. Reportage. Ce 3 octobre 2015, en début de soirée, deux vagues s'engouffrent dans les garages du domaine cossu du Cap-Vert. À l'intérieur, plusieurs résidents sont en train de sortir leurs véhicules. Ils sont piégés, l'eau monte trop vite. 4 d'entre eux meurent noyés. Ginette, elle, s'en sort in extremis. Il y avait des personnes qui étaient derrière. On les a attendues ensemble pendant des heures. Et elles ne sont pas remontées. Non, parce qu'avec la violence des flots, moi, s'il n'y avait pas eu ma petite voiture... J'étais noyée, c'est la puissance de ma voiture qui m'a sorti de l'eau. Prosper et sa femme vivent au rez-de-chaussée de la résidence. Leur appartement a été dévasté, il a fallu 4 mois et demi de travaux avant qu'ils puissent retourner y vivre. Mais depuis, à chaque orage, le couple de retraités est angoissé. Comme il y a 2 semaines, il a plu jusqu'à 2h30 assez très fortement, jusqu'à 2h30 nous n'avons pas dormi. Et nous regardions en dessous du volet avec une grosse torche si le niveau de l'eau ne montait pas. De toute façon, à chaque orage comme ça, si ça se passe la nuit, on ne dormira pas. C'est pas possible. Un collectif d'une petite trentaine de mandolossiens a déposé plainte pour mise en danger de la vie d'autrui et homicide involontaire. Ils attendent toujours les conclusions de l'enquête préliminaire ouverte à Grasse. David Di Giacomo, France Bleu Azur, pour France Inter. Kim Kardashian a été entendue par la police et puis la star de la télé-réalité américaine a pris un avion au Bourget ce matin. Pas sûr que son dernier séjour à Paris pour la Fashion Week lui laisse le meilleur des souvenirs et pour cause, Kim Kardashian a été victime d'un vol à main armée la nuit dernière dans son hôtel particulier du 8e arrondissement de la capitale. Et l'attaque a été pour le moins rapide et violente, Olivier Bois. Les cinq braqueurs sont arrivés cagoulés, gantés, armés et déguisés en policiers. En entrant, ils ont menacé le veilleur de nuit avec une arme. Ils l'ont menotté avant de le forcer à les conduire jusqu'à la chambre de Kim Kardashian. La starlette américaine était seule dans sa chambre. Les braqueurs l'ont menacé à son tour. L'un d'eux a même posé son arme sur sa tête. Ils ont réussi ensuite à voler les bijoux, les téléphones portables et 1000 dollars en liquide. Kim Kardashian s'est fait voler notamment sa bague de mariée qui était posée sur la table de chevet et qui vaudrait 4 millions d'euros. Le butin est donc colossal, toujours d'ailleurs en cours d'évaluation. Kim Kardashian est très choquée. Les braqueurs, avant de fuir, l'ont ligoté avec du scotch dans la salle de bain. Le braquage a été mené avec beaucoup d'efficacité. Vu le mode opératoire, vu la notoriété de la victime, ce sont les enquêteurs de la brigade de répression du banditisme, la BRB de la PJ parisienne, qui sont chargés de l'enquête. Olivier Bois. C'est le plus populaire des éditeurs français de vidéos en ligne. Minute Buzz annonce aujourd'hui qu'il ferme son site internet. Désormais, Minute Buzz ne sera visible que sur les réseaux sociaux. Un choix radical qui illustre la mainmise de Facebook ou encore Snapchat sur les sites classiques. Minute Buzz a été créé en 2010. Il compte 40 salariés. Il produit 5 à 600 vidéos par mois. C'est actuellement le leader des vidéos vues devant les replays des chaînes télé ou encore les youtubeurs français. Vous écoutez France Inter, il est presque 12h05. Du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 16h. La récréation ? Et si on faisait une pause ? Vincent Josse. C'est à boire qu'il nous faut. Aujourd'hui, on commence par faire les vendanges et puis on trinque. La vigne inspire les compositeurs. Résultat, en musique. La récréation. Tout à l'heure, à 16h, sur France Inter. Alors ces visites pour louer ton studio, ça s'est bien passé ? Épuisant, j'ai beaucoup de dossiers. Et tu as fait ton choix ? Ah mais c'est très compliqué, entre ceux qui n'ont pas de CDI, pas de caution, comment savoir ? J'ai ta solution, prends un locataire garanti Visal, un dispositif d'action logement qui couvre tes éventuels loyers impayés. Une caution solide et en plus totalement gratuite. Tu devrais aller voir sur Visal.fr. Visal, tu dis ? Bonne idée, je me connecte tout de suite. Eh oui, avec Visal.fr, tu peux louer en toute sécurité. Visal est un dispositif action logement soumis à conditions à consulter sur le site Visal.fr. La suite de la bande originale avec Mr. Nagy and the Boys ouais, and the Girls. Maintenant, elle dit ça parce que quand on donne l'info à l'heure, elle dit Mr. Nagy and the Boys and the Girls. J'ai pas dit Master encore. Hein. C'est son côté Kim Kardashian. C'est ça. Non, mais c'est pas le moment. À quel moment vous direz Master ? Alors, je dois faire quoi pour ça ? Bah, attends un peu. Pour être adoubé. Ok, j'ai compris. Rien. On en parle tout à l'heure. C'est mort. On en parle tout à l'heure, peut-être. C'est du cash. Retour. Arrêtez ça. Oh, du cash. Retour de l'info. 13h avec Bruno Duvic et Laetitia Gaillet viendra vous informer toute l'après-midi à tout à l'heure. Oui. C'est la bande originale avec Leïla Kadoumoudet. Bonjour à tous. Zawi, Tom Villa, Daniel Morin, Richard Lornac et notre invité Philippe Cobert. Philippe Cobert, La danse du diable et le Bac 68, les deux spectacles au théâtre de l'Athénée, Cobert à l'Athénée. Je me demande s'il fallait mettre un accent sur le A, parce qu'il y a un côté possession aussi de l'Athénée. Ah ben oui, ben voilà, l'Athénée me possède et je possède l'Athénée. Et inversement, La danse du diable 2 et avec Philippe Cobert, comme le Bac 68. Et puis il y a aussi en alternance, enfin une autre pièce qui vient se glisser dans cette programmation, L'Asticot de Shakespeare de Clémence Massard, qui fut votre compagne. Oui, qui a été ma femme pendant longtemps, pendant 17 ans. J'aime bien le soupir. Pendant longtemps. Oui, on en avait marre à la fin. Mais apparemment, vous êtes restés proches. Nous sommes restés très proches. Rien n'a pu défaire notre empathie, notre union, tout ce que vous voulez, notre fusion. Rien. Même pas la rupture. Expliquez-moi la programmation, parce que trois pièces, Il y a deux salles à l'Athénée. Il y a une grande salle, qui est la salle du théâtre. Mmh. Et tout en haut de l'Athénée, on monte un escalier. Et il faut dire d'ailleurs aux personnes âgées qu'il faut qu'ils se prennent un peu à l'avance. On va les aider, mais il faut monter haut. Et là, il y a une extraordinaire petite salle peinte, on se croirait à Venise, la salle Christian Bérard. Et c'est là que Patrice Martinet a accepté que Clémence redonne son spectacle L'Astico de Shakespeare qu'elle a créé il y a quelques années, qu'on a créé ensemble il y a quelques années, et qu'on a donc complètement refait, un peu comme le Bac 68, que j'ai remis en scène, repensé, etc. Et donc c'est un spectacle sur la mort. Mais c'est un spectacle allègre, gai et vif et impertinent sur un sujet évidemment embêtant qui est la mort. Elle vous fait peur, cette mort ? Moi, j'en ai très peur, oui. Alors moi, j'ai très peur de la mort. Et en même temps, c'est paradoxal parce que j'ai aussi des pulsions suicidaires. C'est-à-dire quand vraiment, je sais pas, quand j'ai une panne de courant chez moi, quand les plombs sautent ou quand je sais pas comment je vais faire mon spectacle, j'ai envie de me suicider tout de suite. C'est pas trop grave, ça, les plombs qui sautent à la maison, non, franchement. Mais, vous savez, c'est Houellebecq qui a dit ça, qui a dit les pourquoi problèmes vous laissez de... ça, là C'est Houellebecq, un jour, c'est cette phrase qui m'a vraiment parlé. Il a dit, moi, je pourrais, pour les problèmes de plomberie, je pourrais me suicider. Je me suis dit, je suis comme lui. Je suis malheureusement pas aussi bon romancier, mais par contre, je suis un peu comme lui. C'est-à-dire, il m'arrive de regarder par la fenêtre, me dire si je sautais là, ce serait mieux que là, que là. Mais bon, finalement, ma peur de la mort est plus forte que tout. C'est ça, de fréquenter des gros déconneurs aussi. Oui. C'est à côté de Drama Queen, Sarah Bernard, quoi. Côté Sarah Bernard, Drama Queen. Je sais pas, je vous dis franchement, j'ai peur de la mort. Non, mais je comprends. Je suis très peureux dans la vie, j'ai peur des affrontements physiques. Il y a que sur scène que je trouve du courage. Ça, c'est vrai que j'ai beaucoup de courage. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est une manière de soigner cette peur de la mort que de d'abord redonner vie à des spectacles qui racontent votre vie et les racines de votre vie ? C'est pas que j'ai peur de la mort, je déteste la mort. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, je réfléchis en vous parlant, quand ma mère est morte, j'ai ressenti une espèce de colère froide mais qui m'a envahi. Je trouve la mort stupide, injuste, ça sert à rien, dégueulasse, ça sert à rien, c'est pas normal. Je trouve ça pas normal de mourir, donc je pense qu'en effet, c'est ce qui fait que je fais ces spectacles, que c'est pour défier la mort. Le seul bras d'honneur que j'ai pu trouver à la mort, c'est de jouer les gens qui sont morts. Lorsque vous montez sur scène, ou lorsque vous vous préparez à monter sur scène dans cette espèce de marathon double, marathon de mémoire en plus, vous vous mettez dans une condition physique particulière, vous avez besoin d'heures de sommeil, vous avez besoin d'une hygiène de vie particulière ? Oui, bien sûr, il y a une époque, pas du tout, je buvais, je bouffais n'importe quoi et tout, mais ça c'est fini. Et depuis l'an 2000, depuis L'Homme qui danse, depuis que j'ai 50 ans, disons, je me suis livré aux activités qu'on connaît. J'ai fait du vélo, de la piscine. Alors j'en fais un petit peu moins maintenant, mais quand même, le régime. Vous faites du yoga, de la méditation? Non, ça je supporte pas. Ça au bout de 5 minutes, ça me gratte. Je supporte pas. Non, je suis plutôt genre VTT, d'ailleurs vélo, c'est pas tellement le vélo de course, mais VTT, la colline, machin, mais alors par contre, je fais 3 heures comme un fou, comme ça je me suis fini par me faire péter le tendon d'Achille. Et la piscine, je fais 1 kilomètre sans respirer. C'est pas une blague, vous êtes vraiment blessé oui. au tendon d'Achille. Je me suis coupé le tendon d'Achille, ouais. Il y a 4 ans. Quand j'ai repris la danse du diable, la première chose qui m'est arrivée, c'est me péter le tendon d'Achille, c'est-à-dire bloqué pendant 6 mois et obligé de tout reporter d'un an. Et ça m'a posé... Oui, j'ai des problèmes de vieux, hein. J'ai 66 ans, je suis vieux. Oui, mais sauf que, pardon, dans ces problèmes de vieux, il n'y a pas la mémoire. Détrompez-vous, il m'arrive de vraiment, alors là, j'ai des trous de mémoire monstrueux, il m'arrive de plus me rappeler des choses, mais je travaille beaucoup. Le plus gros du travail de mes spectacles, c'est la mémoire, je travaille beaucoup. Et puis alors, il y a la mémoire physique, c'est-à-dire une fois que je suis sur la scène, dans la situation, les gestes, ça vient beaucoup des gestes, là, je m'y retrouve, je suis à nouveau dedans, et la mémoire, elle vient toute seule. La mémoire, c'est une question physique aussi, c'est Proust l'a énormément développé dans La Recherche du Temps Perdu, mais c'est ça, il raconte la Madeleine ou le petit pavé d'Ijouin, la Madeleine qui était donc une biscotte. La Madeleine de Proust qui était une biscotte, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Mais c'était pas vraiment une Madeleine, en fait. C'était une biscotte. Une odeur, une chanson, et tout revient, et on se souvient de tout. Après, il faut fixer, mais... Philippe Cobert, à voir absolument, et à revoir, puisque ça beau être des pièces dont on a déjà vu l'affiche ou le spectacle, comme vous l'avez dit, c'est une recréation, ou une récréation. Oui, et puis la danse du diable, on avait le projet avec Patrick, parce que j'avais pu faire que 5 semaines il y a 2 ans, ouais. Et donc on avait le projet, parce qu'on a refusé beaucoup de monde, donc de faire une nouvelle série l'année dernière, et puis il y a eu les travaux, puisque l'Athénée est complètement remis à neuf, neuf et c'est absolument magnifique. Rien que pour ça, ça vaut le coup de venir. Et donc, j'ai dit tant pis, ben, on le refera dans 2 ans. Puis je ne sais pas ce que je vais faire en attendant. Puis j'ai fait en attendant le bac 68. Bac 68 et Danse du Diable au théâtre de l'Athénée, Cobert à l'Athénée. Mais pour l'instant, Cobert dans la bande originale avec l'humeur de Daniel Morat maintenant. Bravo Daniel. Merci Daniel. Merci Daniel. À demain. Rien à voir avec cette pauvre Kim Kardashian, mais c'est parti pour la saison des prix Nobel. Aujourd'hui, oui, ça, c'est sûr. Prix Nobel de médecine. C'est du sérieux, le Nobel pour un médecin. C'est l'équivalent du 3 étoiles du Michelin. Du coup, c'est l'enfer. Quand un médecin reçoit le Nobel, il prend le melon et il arrive fréquemment qu'il multiplie par 10 le prix de sa consultation. En même temps, je ne sais pas pourquoi je m'inquiète. Les toubibs de Radio France, je les connais bien. Et croyez-moi, ils sont plutôt protégés côté Nobel. À mon avis, c'est pas pour cette année, ni pour la suivante, ni pour jamais en fait. Sauf, bien sûr, si un jour on donne le Nobel de médecine pour résistance héroïque aux ravages de l'alcool. Là, oui, ils ont une chance, sinon le voyage à l'Académie de Stockholm, c'est pas dans leur projet, ni dans leurs compétences. Il y a 2 ans, j'avais été voir le docteur de la maison de la radio pour ma visite annuelle. Il m'a dit « Ça va ?» J'ai répondu « Oui, sauf qu'en ce moment, je tousse. » « Vous toussez ? Pas de problème. Buvez un grog avant de dormir. C'est tout ?» Ah, j'ai mal au ventre après les repas. Prenez un grog au réveil. C'est tout. Ah sinon, j'ai mal aux jambes en fin de journée. Mettez sur vos jambes du grog 2 fois par jour. Une fois au réveil, une fois avant d'aller dormir. C'est tout. Oui, c'est tout, docteur. Bon, super. Allez, on va boire un grog. Ah, c'est pas hyper, hyper prix Nobel, tout ça. Il n'y a pas que les Nobel en ce moment. Hein. C'est aussi la Fashion Week de Paris. Et ben là, quand c'est la Fashion Week de Paris, tout le monde est là, les gens de Radio France en premier, l'air de rien, avec ses sapes les plus folles, pour faire genre « Je suis trop fashion, regarde mes fringues de ouf, c'est un petit créateur de génie qui a fait ça !» La Fashion Week, merde, ils se prennent tous pour Lagerfeld, Kate Moss, c'est mode, tu te fais reluquer du haut en bas pendant toute une semaine, c'est désagréable. Ou en même temps, je sais pas pourquoi je m'inquiète. Les gens de Radio France, je les connais bien. Et croyez-moi, côté fashion, côté mode, côté fringue, tout simplement, on est loin des fashion victimes. C'est plutôt victime, tout court. Entre Nagui et ses pompes de bowling. Nagui, ses pompes de bowling et Nora Hamzaoui. Oui, sauf que là, avec Nora, je suis pas sûr. Elle est tellement habillée style, je sais pas, mais je m'en fous, qu'au final, c'est peut-être ça être fashion. Oui, donc faut pas déconner non plus. Hein. Nora, elle est fashion peut-être, mais fashion plutôt pays de l'Est, genre défilé Sarajevo, barricade juste après le conflit armé. Et puis bien sûr, évidemment, comment passer à côté? Il y a Richard. Richard et ses chemises de... Même s'il essaye de les cacher, ses chemises de je sais pas quoi d'ailleurs. Hein. En fait, j'ai jamais vu ce genre de chemise sur qui que ce soit. Hein. Personne n'ose à part lui. C'est un tour de force. Ah bah tiens, voilà un truc qui serait vraiment utile. Un prix Nobel de médecine qui récompenserait le psy qui arriverait à nous dire ce qui se passe dans les têtes de Nora, de Nagui et de Richard pendant qu'ils choisissent leur fringue le matin au réveil. Là, ce serait un pas de géant pour la recherche, les amis. À demain, bon courage. La bande originale, Nagui, sur France Inter. Et je n'ai pas de chance parce que Nora est très bien habillée aujourd'hui. Ouais, ouais. Et t'as pas de chance parce que toi, t'es super mal sapé. Donc regardez les images de cette chronique pour comprendre que on peut être habillé comme un fonctionnaire de la Poste. Et c'est l'homme qui vient en pyjama à la radio qui me dit ça. Ouais, mais moi je suis à l'aise. Ah oui, ça a l'air. Est-ce que dans tous vos projets, au-delà de ce qui va se passer au théâtre de l'Athénée, Philippe Cobert, il y a des films et justement une participation de troupes, de partage, puisque tout à l'heure vous disiez que vous étiez un peu solitaire. Est-ce qu'on va vous retrouver avec d'autres comédiens et mise en scène par quelqu'un d'autre ? Mise en scène par quelqu'un d'autre, je ne suis pas sûr. Mais j'ai quelques projets, mais qui sont trop naissants pour que je puisse vraiment en parler. Le seul projet réel, c'est un spectacle où je suis seul encore, l'année prochaine, qui s'appellera Adieu Ferdinand, qui sera probablement aussi à l'Athénée. Et sinon, j'ai plein de trucs en route, en train, possible, pas possible. Donc oui, j'ai pas mal d'idées dans la tête. J'ai aussi un livre... Que vous êtes en train d'écrire. Que je suis en train de composer, plus exactement, puisqu'il serait composé de tous les courriers que j'écris depuis à peu près 40 ans pour que ça soit pour obtenir des subventions, des lettres d'injures, des lettres de courtisanerie, des lettres de voilà, toutes les lettres vraiment, plus toutes les interventions politiques que j'ai données, etc. Plus un carnet très intime que j'ai écrit il y a quelques années, plus les premières lettres de drague, c'est-à-dire jusqu'au moment où ça va se faire, où ça se fait, ça s'arrête là, c'est-à-dire la vie d'un comédien. Puisque, voilà, et je voudrais appeler ça théâtre au pluriel, théâtres et combats. Très bien, merci pour le scoop. Ouais. D'autres idées de culture, justement, dans le brouillon de culture de Leïla Kadorodani pour Philippe Cobert. Philippe Cobert, je vous sors un peu de la promo, c'est notre brouillon de culture à tous les deux, et on va essayer de mieux vous connaître. On commence par un son pour vous. Le repentir m'a pris et j'ai craint le courroux céleste. voilà, tu vois, tu y es là, c'est ça, voilà. J'ai cru que notre mariage n'était qu'un adultère déguisé. Voilà, je veux. Voilà, tu sais, vraiment, je continue. Et puis tu vois, connasse, je dis ce que je veux, moi aussi je peux jouer, tu vois. Voilà, tu vois, et elle s'en rend compte de ça, tu vois. On a beaucoup parlé de l'élève Cobert en faisant référence à Mnouchkine, par exemple, mais peu du prof Cobert, puisque vous enseignez, vous donnez des cours. Est-ce que vous donnez encore des cours ? Je n'ai pas donné des cours, j'ai fait un stage. Ouais. J'ai fait un stage, en effet, avec une école de théâtre. C'est une masterclass à l'école Eva, là. C'était... À l'école Eva, avec Peter, son directeur. Et en effet, j'avais fait une émission de télé, comme ça, qui parlait de théâtre. Et puis, je les ai rencontrés. Et je les ai trouvés tellement sympas. Et j'ai dit, si vous voulez, je viendrai travailler avec vous. Et en effet, on a fait plusieurs périodes, comme ça. Et je les ai fait travailler sur 4 pièces qui parlent d'amour, c'est-à-dire Roméo et Juliette, La Mouette, La Locandière et Le Don Juan espagnol. Et qui sont un peu les pièces que je rêverais de monter si j'en prenais le temps et les moyens, mais jusqu'à présent, le destin et mes choix ont fait autrement. Mais le problème, c'est que je suis toujours devant, ça correspond à ce que vous disiez tout à l'heure, le choix entre poursuivre mon aventure d'écriture, c'est-à-dire solitaire, puisque il n'y a que comme ça pour l'instant que j'arrive à écrire, ou me lancer dans des spectacles à plusieurs, mais qui demandent tout autant d'énergie, encore plus, du temps, etc. Et c'est vrai que le choix est cornélien. Voilà, c'est un choix dramatique pour moi, parce que continuer à écrire, ça veut dire continuer à me couper des autres, de la troupe, etc. Et c'est pas sans regret. J'ai beaucoup de regrets. Je regrette tout. Et tout me manque. Je voudrais qu'il y ait écrit sur ma tombe, tout me manque. Parce que je pense qu'un cours Cobert, le cours Cobert aurait du succès, parce que vous êtes souvent imité. Moi, quand je vous vois, je pense à Florence Foresti, et je trouve que dans la gestuelle, par exemple, il y a beaucoup de vous. Écoutez, j'en suis très honoré. Voilà. Oui, je pense que certains même l'ont dit, Jamel, etc., a reconnu. Et moi, quand je vois des... Moi, je n'ai aucun principe sur le... La seule chose, c'est les catégories. Moi, je fais du théâtre, ils font du music hall. Mm-hmm. Mais enfin, j'ai la plus grande admiration pour Raymond Devos, Zouk, ou Jamel Debbouze, ou Florence Foresti. C'est des génies comiques. Donc, s'ils se sont inspirés de moi, eh bien, tant mieux. J'en suis très honoré et très enchanté. C'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Et on poursuit avec un autre son, alors. Quand on m'a annoncé 3h20, un dimanche après-midi, je vous avoue que je me suis dit « Oups !» Et puis, une fois dans la salle, je me suis dit « Mais c'est trop court hein. !» Ouais. Non, mais c'est un truc, enfin, c'est... Énorme. C'est dingue. Je ne sais même pas comment le décrire, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que c'est quand même le seul mec que je connaisse qui est capable de jouer un avion. Et voilà, et en fait je voulais qu'on entende les propos de Mazarine Pinjot dans l'émission Ça balance à Paris, après qu'elle ait vu La danse du diable, parce qu'elle elle résume aussi ce que je pense après avoir vu ce spectacle. La critique et l'émission n'est pas toujours tendre, et là vous êtes totalement auréolée, honorée. Vous entretenez quel rapport avec la critique, là? Vous êtes intouchable dans cette émission ce jour-là? Oui, je ne sais pas. Ben, les rapports avec la critique, je dois beaucoup à la critique. Mm-hmm. Je dois beaucoup à la critique parce que quand j'ai commencé mes spectacles, il y a vraiment une rumeur hostile énorme de la part du métier, parce que, pour plein de raisons, je n'aurai pas le temps ici de tout dire, mais simplement, je pense, le fait de dire la vérité, de jouer ma vie, de m'intéresser à moi, quand on parlait de 68 a été aussi un terrible... On n'avait plus le droit de parler de soi, on n'avait plus le droit de rejeter de l'individualisme, etc. Et c'est vraiment les journalistes qui m'ont aidé à sortir de là. C'est quelqu'un comme Jean-Pierre Thibaudat ou Jacques Nerson. Et donc, ensuite, j'ai eu beaucoup de succès, donc ils m'ont abandonné un petit peu. Et je suis un peu abandonné par Libé, Le Monde, enfin tous ces journaux un peu qui donnent la carte. Mais j'arrive pas à leur en vouloir parce qu'ils m'ont tellement aidé. Je vous dis franchement, c'est un peu comme voilà, les gens qui vous ont énormément aidé dans la vie, bah, ils te disent plus bonjour, c'est pas grave, un jour ils te rediront bonjour. Donc, Ils vous ont abandonné parce que vous avez du succès, justement. Oui, je pense. Mais ça, c'est l'histoire classique. On aime bien découvrir, les journalistes, ils aiment découvrir, ils aiment mettre en avant, et puis une fois qu'ils sont reconnus, ils passent à quelqu'un d'autre. C'est normal aussi. Ils aiment casser ce qui marche. C'est logique. Mais franchement, j'ai toujours. Pour moi, l'histoire de la critique fait partie de l'histoire du théâtre, et je n'ai jamais pu éprouver de la haine contre la critique. Même j'ai des très très mauvaises critiques que j'ai trouvées magnifiques. Je me rappelle Michel Cournot, il faut que je raconte cette histoire. Je jouais au théâtre de la Renaissance, c'est Nils Arestrup qui m'avait invité. Et il y a eu c'est Le Vent du Gouffre, une page entière, Michel Cournot, Le Monde, un grand acteur au théâtre de la Renaissance. Et son article, c'était, il décrivait avec une maestria extraordinaire, Nils Arestrup, au sommet des marches du théâtre de la Renaissance, avec son manteau en poil de fourrure de lion, en train de regarder monter le public, et surtout le public féminin. Et voilà, et il faisait un tableau, mais à la Daumier, de cet immense acteur en train de regarder monter les filles dans son théâtre. Et il disait, à la fin de l'article, accessoirement, il y en a un autre qui joue sur la scène, beaucoup de gens s'en vont à l'entracte. Oui. C'était d'une méchanceté totale, et c'était l'art de la critique pour moi. Et j'ai trouvé, ça m'a fait rire. Alors Nils, c'était, mais je suis désolé, j'ai dit non, arrête, c'est magnifique. C'est une mauvaise critique, mais c'est magnifique. Donc franchement, à partir du moment où il y a du talent, où il y a de la vivacité, où il y a de savoir écrire, savoir se moquer, moi j'aime autant les mauvaises que les bonnes. Et bien pour contrebalancer cette mauvaise critique, moi je vais amener un peu de douceur, je vais vous faire un cadeau, Philippe Coubert, pardon. C'est un bouquin, c'est Tic. Voilà. C'est Tic et Toc des grands génies, parce que pour moi vous êtes un de ces grands génies. Il manque d'ailleurs dans ce bouquin une page à votre nom, c'est de Mason Curé, qui est un journaliste au New York Times, et un jour il s'est dit, tiens, je vais m'atteler à tous les rituels secrets qui sont à l'origine des plus belles créations. On ne sait chez point, on apprend par exemple que David Lynch, pour trouver l'inspiration, a besoin de boire 7 cafés et de manger une glace au chocolat, que Woody Allen, quand il manque d'inspiration, il prend une douche, que Descartes était un lève-tard. Moi, je trouve ça plutôt pas mal pour les jeunes gens. Voilà, le monde appartient peut-être à ceux qui se lèvent tôt, mais aussi à ceux qui aiment faire la grasse matinée, comme Descartes. Et il y a des entrées sur Proust, sur des artistes étrangers, contemporains, et on comprend toutes leurs petites marottes, leur organisation, comment ils écrivent. Certains n'écrivent qu'allongés, comme Truman Capote. Et vous, alors ? Non, j'écris debout. J'écris debout avec tout mon corps, avec toute Balzac ma mémoire. C'était Balzac qui écrivait, ou Victor Hugo, je ne sais plus, qui écrivait debout. Et non, moi j'écris debout puisque j'improvise. Donc ça s'appelle l'écriture debout. D'accord. Et puis, oui, mais j'ai aussi plein de marottes comme ça, en effet. Elles ne me viennent pas à l'esprit maintenant. Mais alors, par contre, pendant très longtemps, je me suis levé à 2h de l'après-midi. Et alors ça, c'est l'âge, je crois. Mais maintenant, je me réveille vers 7h. Et c'est catastrophique parce que je tombe de sommeil dans la journée. À 16h. Oui, c'est compliqué. ça devient très compliqué. Une siestoune. La sieste. Mais la siestoune, ouais, d'accord. Bah, chiffre des lettres, hop, au lit. J'ai une chose que je voudrais quand même dire, c'est qu'on n'a pas beaucoup parlé de la Stico de Shakespeare. Je voudrais dire que c'est quand même un spectacle extrêmement drôle, et que dans le livre des grands génies, il pourrait y avoir Clémence Massard, parce que c'est une actrice de génie. Et ça, je le dis avec toute mon impartialité. Tu parles. C'est au théâtre de l'Athénée. Non, mais franchement, pas partial. Heureusement, vous n'êtes pas partial. Voilà, les deux enfants d'Ariane Mnouchkine, les deux meilleurs. Voilà. Très bien. Les excuses à présenter, Daniel. Désolé déjà pour tous les Ferdinand qui nous écoutent avec leur sonotone et qui ont été choqués par les moqueries de Monsieur Tom Villa, l'infâme. les papilles, il y a pas mort d'homme, hein. Enfin. Encore. Désolé pour Monsieur Jean-Claude Godin, dont l'image, le talent, la culture, la mémoire ont été salis par toujours l'ignoble Tom Villas, qui a fait beaucoup rire le bolchevique Philippe Cobert. En même temps, Jean-Claude, il n'y a pas mort d'homme. Enfin, pas encore. Désolé pour Roger, le brave homme qui doit à la volée taper tous les textes de Philippe Cobert. En même temps, Roger, il n'y a pas mort d'homme. Roger Goffiné. Enfin. T'imagines le boulot, n'empêche. Pas encore. Ouais. Désolé pour tout. Un acteur, ça lui a pris un an. Un an, 7 heures par jour. Désolé pour tous nos auditeurs qui, sur les conseils de Dagui à 11h57, ont décidé, je cite, de rester sur le sexe. Il est 12h27, les gars. Vous pouvez arrêter, vous devez arrêter. Sinon, attention, ça sent le fait divers, tout va péter. Demain, c'est Patrice Lecomte qui sera notre invité. Merci mille fois, Philippe Gobert, d'avoir trouvé le temps la veille du démarrage à la télé. Je trouve ça dingue que vous ayez trouvé le temps de venir, et merci encore, de venir nous donner envie de retourner vous voir pour ceux qui l'ont déjà vu ou de vous découvrir. Parce qu'il y a toute une génération, à mon avis, qui va découvrir La Danse du Diable et le Bac 68 avec ses modifications, ses améliorations, ses ses nouveautés. Ça bouge. Ça bouge. Ça bouge. Ça bouge encore. Oui, ça bouge encore. À bientôt, Philippe. Un autre Philippe débarque, c'est notre Philippe Bertrand National. Bonjour, Nagui. Bonjour, tout le monde. Bonjour, salut. Quel prénom moderne, Philippe. Ouais. Ben oui, n'est-ce pas ? Parce que je connais des prénoms plus vieux. Par exemple, Jean-Philippe. Jean-Philippe, c'est beaucoup plus vieux. Ça, c'est très vieux. Et Philippe, c'est moderne. Un métier à demain. Bonne émission, Philippe. Salut, Léa. Salut. You and I. We're going to change this country and we will change the world. Barack Obama, le premier président noir des États-Unis d'Amérique, le président de tous les espoirs, l'homme le plus puissant du monde. Tout le monde veut sa place. Et sur Arte, vous ne l'aurez jamais vu d'aussi près. Les années Obama, une série documentaire en 4 épisodes, avec une interview exclusive de Barack Obama. Demain à 20h55 sur Arte et à revoir sur Arte Plus 7. Arte, ouverture permanente. François Morel. Ce baiser, vous souvenez-vous, que vous m'aviez un jour donné. J'aimerais pouvoir entre nous, ce soir vous le restituer. Retrouvez toute la malice et l'émotion de François Morel dans son nouvel album de chansons. Les éditions Radio France présentent Allons au fait, le nouvel essai de Régis Debray, issu de la série d'été de France Culture. Sortir du flou et aller au fait, tel est le pari du philosophe dans ce livre qui clarifie le sens des mots histoire et religion. Europe, politique, sacré, laïcité, en 10 chapitres thématiques, il met à mal les fausses croyances. Une synthèse éclairante et dérangeante. Allons au fait de Régis Debray, un livre France Culture. Radio France propose les concerts en famille. Enquête nationale, un Cluedo musical. L'histoire du soldat avec la compagnie Perpoc. Le cirque de Charlie Chaplin, un ciné-concert. Pierre et le loup avec François Morel. Zorbalov et l'orgue magique. Le samedi ou le dimanche à 11h, un concert dans l'auditorium en famille sans s'ennuyer. Avec les concerts en famille de Radio France, c'est facile d'être parent. Réservation maisondelaradio.fr. Prochain rendez-vous le 8 octobre à 11h avec l'Orchestre Philharmonique. France Inter, c'est l'heure. Carnet de campagne avec l'UFC Que Choisir, le mouvement de consommateurs de référence. Retrouvez et rejoignez l'association locale la plus proche sur quechoisir.org. Carnet de campagne, bonjour. Nous suivons la feuille de route du jeu des 1000 euros pour nous installer cette semaine dans le Doubs. Et dans le Doubs, abstiens-toi d'ignorer les paysages, la saveur d'un comté bien affiné ou le plaisir d'une glisse nordique dans le parc du Haut-Jura. Personnellement, c'est vrai que j'aime beaucoup cet éventail de propositions que nous offre une bonne partie de cette Franche-Comté, région aujourd'hui associée à la Bourgogne et dont le nom vient d'être entériné.